Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vous le savez, tous les vendredis soirs, à partir de 20h30, c'est l'émission Mavrika. Voilà, Mavrika, ça veut dire Arc-en-Ciel. Donc, Arc-en-Ciel, c'est une radio avec des émissions différentes. Et dans l'émission Mavrika, nous avons l'habitude de recevoir chaque semaine des artistes différents. D'ailleurs, les gens qui sont passés juste avant, on a commencé cette émission avec plusieurs artistes, ce sont des gens qui sont déjà passés dans l'émission Mavrika. Donc, on avait commencé cette émission avec IFP, Infernal Flash Pep, un groupe qui a sorti un album il y a quelques temps, que j'ai vu en concert et que je suis assez régulièrement. D'ailleurs, ils sont chez nous très bientôt, ça sera le 3 avril. Le 3 avril, la veille du 4 avril. Vous saurez pourquoi dans l'émission. Restez avec nous. Donc, le 3 avril, les IFP viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils nous interprétaient donc une chanson en début d'émission qui s'appelle Bad Story Love et c'est tiré de leur album donc que vous pouvez vous procurer. C'est un petit bon conseil si vous voulez avoir un bon album dans votre discothèque. Vous achetez cet album qui s'appelle Soirée de copains. Voilà. Juste après, un groupe qui va faire partie du prochain Mavrika Live. Il s'agit du groupe Melody Road. Et le morceau qu'on écoutait s'appelle Freedom. Et vous avez pu voir cette voix qui est magnifique. Et vous pourrez retrouver les musiciens et les deux chanteuses. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux chanteuses. Donc, le 4 avril. Voilà. La petite liaison est faite pour le Mavrika Live numéro 12 qui aura lieu à l'espace Bérère. Donc, à la Chapelle Saint-Émain. On vous en reparlera d'ici là. Vous inquiétez pas. Donc, Melody Road qui est venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est tombé amoureux de leur musique et de leurs reprises. En plus, c'est beaucoup de reprises. Et puis, on les retrouvera très bientôt. Et juste à l'instant, c'était une chanson que tout le monde connaît. Tout le monde bougeait et tout le monde fredonnait un petit peu les paroles. Il s'agit d'un morceau qui a fait connaître un groupe qui est devenu énorme. Donc, un des standards du rock français. Il s'agit du groupe Téléphone. Et là, on avait la version d'un groupe qui est venu ici dans le studio il y a quelques temps. Il s'agit du groupe Roxy Moore. Voilà. Depuis le début de l'année, vous le savez, on a reçu pas mal d'artistes. Hein. Ce soir, il y en a aussi qui sont là. Hein. Ce soir, il y a pas de souci. Je vais vous les présenter après. Après avoir présenté tout le reste. Hein. On garde la réserve. Et puis en plus, vous le savez déjà si vous me suivez sur Facebook et si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière. Donc, le 10 janvier, nous avions reçu ici le groupe Duke. Encore un groupe qui fera partie du Mavrika Live, le prochain Mavrika Live. Le 17 janvier, on a reçu Mathis Poulain qui était en concert hier au Delirium. J'espère que vous avez eu l'occasion d'y aller. Voilà. Si vous le connaissiez pas, en tout cas, c'est un artiste qu'on aime beaucoup et qu'on continue d'accompagner. Hein. On le connaît déjà depuis 2 ans. Il est venu il y a quelques temps dans les studios pour nous parler un petit peu d'évolution. Il va y avoir encore de l'actualité. Donc, je suis sûr qu'il va revenir dans pas très longtemps. Le 24 janvier, nous avions reçu ici les Vilaines Choses. Le 31 janvier, c'était Antoine Ménager qui était venu. Hein, un gars super sympa. Franchement, une bonne découverte. Le 7 février, alors là, c'est une découverte déjà qu'on, le groupe qui est là ce soir les connaît aussi, c'est le groupe Soul Latitude. La dernière fois que je les ai vus en concert, non, l'avant-dernière, c'était justement Atalsi. Voilà, je vous mets dans la piste hein, pour les gens qui suivent. Il commence à y avoir des petites liaisons qui se font au niveau du cerveau, au niveau des neurones et tout ça. Donc, le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Voilà. Mais pour l'occasion de la Saint-Valentin, nous avions reçu Roxy Moore. Alors, Roxy Moore, c'est pas le nom d'une dame, hein, contrairement à ce que les gens pensaient. Et effectivement, c'est le groupe qu'on vient d'écouter, donc Roxy Moore. Le 23 février, la semaine dernière, nous avions ici dans nos studios un groupe blésois qu'on aime bien. J'ai adoré ce qu'ils font. En plus, c'est vraiment des gens super bien. Donc, dès que vous aurez l'occasion, allez les voir en concert. Il s'agissait du groupe Mean Circle. La semaine prochaine, on va recevoir Dizzy. La semaine suivante, il y a un groupe qui va nous donner une réponse. Et puis, s'il nous donne pas de réponse, on attribuera la date à quelqu'un d'autre. Le 20 mars, on aura Cosmopolite. Le 27 mars, on aura Perfect Spot. Le 3 avril, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est IFP qui sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 10 avril, Zoréol, voilà, musique ensoleillée. Le 17 avril, il y aura Bad Sheep. Le 24 avril, le nouveau projet de Michael Lavoriaz, voilà, un artiste qui est venu il y a très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. Depuis, on n'avait pas trop de nouvelles. Et là, il y a un projet avec Damien. Ils viendront nous le présenter. Le 1er mai, ça sera ML. Le 8 mai, ça sera Jonas. Voilà, ça a été décidé il n'y a pas très longtemps. On l'avait rencontré. Il devait venir dans les studios. Là, il nous a rappelé, dit voilà, je suis dispo, si vous voulez, je viendrai. Il viendra avec sa guitare, forcément. Et puis, pour le 12 juin, voilà, ça c'est sûr, c'est acté, il y aura Accident instantané dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc le projet de Johan, voilà. Vous êtes dans l'émission Mavrika, et comme tous les vendredis soirs, nous recevons des invités, et ce soir, c'est le groupe Red Duff. We'll be right back. alcoolique est le bienvenu. Il boit le jour et la nuit. Il n'y a que comme ça qu'il pourra devenir. Combien de temps lui faudra-t-il pour qu'elle comprenne que c'est inutile? Qu'un mec comme lui n'a pas la tâche qu'il préfère vivre. Comme un apache. Il roule le jour et la nuit. Toujours près des foules, des femmes en furie. De Paris à Londres, il est en concert. Toujours sur les ondes, il ne touche plus d'air. Cette vie grisante lui fait péter les plombs. Alors il prend une substance pour tenir bon. Combien de temps lui faudra-t-elle qu'elle comprenne que c'est inutile? Qu'un mec comme lui n'a pas la tâche qu'il préfère vivre. Comme un apache. Je me suis pas fait avoir, je savais qu'elle finissait brutalement cette chanson. Donc, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit du groupe Red Daff. Ils sont ici, ils sont pas au complet. Mais là, par contre, on vient d'écouter un de leurs morceaux et puis on va commencer à discuter donc avec les gens qui sont de l'autre côté de la vitre. Parce que moi, je suis d'un côté avec le matériel. De l'autre côté, donc, je vais commencer à discuter avec une personne qui remplace aujourd'hui Didier. Voilà, parce que Didier n'a pas pu venir ce soir, donc c'est Annabelle. Ça va Annabelle ? Oui, bonsoir, très bien. Voilà, on règle les micros en même temps, donc au début on va se mettre un petit peu en place. Donc Annabelle, tu es venue ce soir pour nous te dire compagnie, ça nous fait plaisir. Oui. En plus parce que c'est un groupe que tu aimes beaucoup. Oui, c'est vrai. Voilà, j'avoue. Dès que tu as l'occasion, on se retrouve assez souvent au caisson, parce que c'est le lieu où... travaille le groupe Red Daff, hein, c'est leur endroit. Hein. Pas seulement eux, il y a aussi d'autres artistes. Et en plus, tu vas faire l'agenda de Mavrika ce soir. Voilà. Donc, on a quelques dates, on a quelques idées de sortie, donc c'est toi qui vas les exposer. Partager, oui. Donc c'est notre ami Didier qui les a préparées, toi tu en as préparé aussi de ton côté, ça va se faire impeccable. Bien sûr. Je vais me tourner complètement à l'opposé avec une personne qu'on retrouve souvent dans les endroits de concert. Alors souvent vous le voyez derrière un objectif et derrière l'objectif il y a un appareil photo, c'est Dom. Oui. Salut Dom Rousseau. Bonjour à tous. Voilà. Donc un photographe que tout le monde connaît, hein. Il est un peu partout. Au caisson, les gens qui vont au concert en tout cas te connaissent quoi. Oui, parce que je suis souvent en train de Les gêner devant, enfin, je sais pas grand, ça va, donc il peut me voir au-dessus. Voilà, non, effectivement, oui. Il a souvent deux énormes appareils photo, et puis les photos en plus sont très belles, et c'est des témoignages. Moi, je dis, voilà, c'est des instants qui sont conservés pour toujours, quoi, pour la vie, pour la nôtre, et puis pour les suivantes, quoi. C'est un peu le but de partager tous ces moments, et puis de les garder non seulement dans nos mémoires, mais au sein de photos, et garder effectivement ces expressions, ces bons moments, et tout ça, quoi. Ils sont souvent partagés aussi, même dans l'émission, dans le Facebook de l'émission Mavrica, parce que c'est des photos de concerts, des gens qu'on côtoie. Bah, nous, on ne se connaissait pas, mais la musique nous a rapprochés, l'image aussi. Mm-hmm. Et donc, et puis en plus, on connaît très bien le groupe de ce soir. Oui, dès qu'on a l'occasion, on va les voir à Talsy. C'est pour ça que je suis venu, pour les surveiller un peu, parce que je sais que c'est des mauvais garçons, qui sont un peu dissipés. Ils sont rock'n'roll. Je suis venu surveiller un petit peu tout ça. Il va falloir les tenir un peu. C'est le vieux qui déconne tout ça. C'est les vrais rock'n'roll. C'est un groupe rock'n'roll, donc non, ça se passe toujours très bien. Dominique l'éducateur. Donc, eh ben, on va accueillir le groupe Red Daff. Alors, le groupe Red Daff, il est habituellement composé de combien de personnes ? Quatre. Et aujourd'hui, vous êtes ? Trois. Deux musiciens et notre ingé son. Donc, et l'ingé son, parce qu'en vérité, il fait partie de l'équipe, mais c'est le cinquième homme. On va dire qu'on est cinq dans le groupe, vraiment. Voilà. Donc, je voudrais juste rajouter quand même que les deux musiciens, c'est quand même la colonne vertébrale la plus importante du groupe. Là, t'as les deux meilleurs. Ouais, le bassiste et le batteur, hein, quand même. Ça, voilà. C'est clair. Il faut quand même insister là-dessus. Donc, le bassiste et le batteur, hein, bah oui. Parce que ouais. C'est vrai que des guitaristes, il y en a à l'appel. Des chanteurs aussi. Des bassistes et des batteurs, tout le monde se les arrache. Ah, tout à fait. Tout le monde se les arrache. Et les ingé-sons aussi. Hein. Ah oui, les bons ingé-sons. Nous, on a une chance énorme. C'est qu'on a notre ingé-son. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est important, hein, parce que quand il peut y avoir des très bons ingé sons, ils ne connaissent pas le groupe comme lui vous connaît. Donc, il ne pourra que vous mettre en valeur. Sentir, ouais. Voilà. Très bien. Donc, eh ben, on va présenter déjà les deux artistes qui sont là. Donc, on va commencer par toi, Fanfan. C'est toi le plus bavard. Eh ben, écoute, voilà. Donc, à la batterie. Je m'appelle Fanfan. Ouais. François, donc. François. Je suis batteur amateur du groupe Red Daff. Amateur dans le bon sens du terme, avec un grand A. Ouais, on aime ça. Hein. Bah oui, c'est ça, parce que on dit des fois professionnel amateur. En vérité, certains amateurs sont meilleurs que certains professionnels. Ouais, et puis après le but est tout le temps de se faire plaisir. On est d'accord sur le truc. On est d'accord. Ça, ouais. Là-dessus, c'est exactement ça. Donc voilà, tu veux savoir quoi d'autre? Marié, deux enfants, je les embrasse très fort. Enfants, l'âge, bon, t'es marié. L'âge, bon, ça, 22 ans. Là, on a perdu des auditrices, ça c'est sûr. C'est ça. Tant pis. Tant pis. Je les aime tous trop fort. Voilà. Et toi? Donc, moi c'est Dominique, je suis le bassiste du groupe. Amateur aussi, hein, de toute façon. Parce qu'on en a du mal à en vivre. Hein, la musique, ça devient de plus en plus difficile. C'est pas évident. Il n'y a pas que la musique. Hein, on a déjà du mal à vivre en travaillant tous les jours aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. À une certaine époque, ceux qui ne travaillaient pas n'avaient pas de sous. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, certains n'en ont pas non plus. Non, non plus, je suis bien d'accord avec toi. Et oui, donc là, je suis bassiste. Et puis voilà, quoi. Donc... Que dire ? Je peux dire plus. Mon numéro de sécurité sociale, c'est le 1. Tu peux donner ton numéro par cœur. Tu peux donner ton. L'autre chiffre, je vais pas le donner. 1-88-321. Tu peux donner ton numéro d'IBAN si des gens veulent faire des versements. Ah, IBAN, je le connais pas par cœur. Mais ça peut être intéressant. Hein. Il faut le laisser traîner. Je on sait jamais pas. Des fois des gens ont envie de verser de l'argent. Ils disent tiens, un numéro d'IBAN, je vais. Un petit détail quand même. Dominique, c'est quand même le plus vieux. Faut le préciser. Pourquoi pourquoi tu dis ça, toi ? Je le fais pas du tout. Hein. Ah, pourquoi ? Mais disons que je suis le plus sage. Parce que dans un groupe de jeunes, il faut toujours un gars un peu plus âgé quand même pour un peu. Ouais, pour les tenir. Oui, il faut les tenir les garçons. C'est pas le plus simple à gérer quand même. Voilà. Et puis la troisième personne ce soir, c'est. Titi. C'est Titi. Donc l'ingénieur du son, c'est vrai que on t'entend pas beaucoup parler, mais par contre tu mets en valeur le son des autres artistes. Alors non seulement les Red Daff, hein, mais tous les gens qui sont au caisson. Hein, c'est quand même toi qui t'occupes du son ça. Du caisson. Oui, avec Fanfan aussi, hein, il est souvent derrière la console. Ouais, mais enfin moi c'est je. Ouais, voilà. Mais c'est Titi qui pousse les boutons quand même. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Ok, donc voilà, on va aussi donner le nom des deux autres, hein, parce qu'il y en a deux qui se promènent. Hein. Je crois que c'est nécessaire. Si. Il y a guitariste-chanteur qui est Fabrice. Fabrice, et qui est en ce moment en retour d'Angleterre, je pense, puisque cette semaine il était en Angleterre, il doit y retourner ce soir. Il va revenir dans un état. Et, et je peux vous dire que toute l'Angleterre va connaître les Red Daft parce qu'il a mis des écussons partout, voilà. Des autocollants partout. On c'est a ce vu que j'ai ça, vu, oui. J'ai, j'ai peur qu'on ait la visite d'Interpol la semaine prochaine. J'ai comparé ça au comparaison de Dinan Jardin qu'on retrouvait un peu partout dans voilà, le monde. Voilà, c'est ça. Ça va faire pareil avec les Red Daft. Et donc nous avons Antoine aussi, notre guitariste, qui lui doit rentrer demain d'Égypte. Voilà. Ouais. Il est en Égypte. Voilà, donc ouais, il se promène, voilà. Et... bah, c'est-à-dire que c'est un fan de... Ils vont faire de la promo là-bas. C'est un fan des pharaons de l'Égypte antique, ah ouais, et tout. Je et crois donc, que ça passionne tout le monde. Il oui, prépare le prochain concert en Égypte, ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Il est parti faire une promo. Il prépare le prochain concert en Égypte. Ouais, j'espère. On va sûrement partir en tournée, je pense. Ouais, je pense, international. Une dizaine de mois, tu vois. Ouais, ça. Voilà, d'accord, donc au pied des pyramides, bientôt Red Daft. Voilà. Bah, du côté de Luxor, c'est la mort. Luxor, j'adore, voilà. Très bien. Donc voilà, on a présenté tous les membres du groupe. On va rappeler ce que signifie Red Daft. Ben Red pour rouge. Rouge, ouais, voilà. Et Daft pour Daft. Ouais, non, je déconne. Daft, c'est Dominique, Antoine, François, Fabrice. Voilà, ou Fabrice, c'est... François, comme on veut. Ouais, c'est vrai que voilà, ces deux-là, on peut les changer. Hein. Ouais, ouais, c'est, là, c'est, ouais, c'est FF. Et, ouais. Et donc, c'est les initiales des prénoms de chaque membre du groupe. Quoi. Exactement. Voilà. Donc, vous êtes obligé de conserver les mêmes personnes ou alors de trouver quelqu'un en c'est cas une obligation. De, voilà, ouais, vous êtes obligé de trouver avec le même nom. Quoi. Voilà, mais moi, si je m'en vais, que le remplaçant, c'est Robert, ben, on l'appellera Daniel. Hein, c'est, voilà, sinon, sinon on est obligé de changer le logo. Après, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Ou alors, après, il faut faire comme les Ramones, ils s'appellent tous Ramones. Eh ben voilà. C'est aussi une solution. Il y avait plusieurs groupes comme ça où les gens ils prennent ils ont leur prénom et ils prennent le nom de famille, c'est le nom du groupe. Ah oui, d'accord. Il y en a pas mal, hein, les Ramones, entre autres. Je crois que c'est eux qui avaient lancé un peu la mode. Mais depuis, il y en a pas mal que. Moi, je connais des groupes comme ça. Où... Bah, ceci dit, c'est pas bête. Franchement, pas bête. C'est pas bête. Voilà. Donc, le groupe, il existe depuis combien de temps? Bah, ça fera 10 ans l'année prochaine. 2011. Ouais. Ouais. Le 2011. Temps passe vite. Hein. Ah, le temps passe très vite. Ouais. Je pense qu'on va se faire une grosse Java. Ah, oui. Bah oui. Franchement, ça le mérite. Hein. Pour les 10 ans, je pense qu'on va faire. Ouais, ouais. Hein, je pense qu'on... Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au caisson, nous. Avec oui, groupes. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça fait un bout de temps. Et ouais, je pense que ça peut être une très très bonne occasion avec éventuellement d'autres événements à venir. D'accord. Bon, on va parler de tout ça au fur et à mesure. Là, on a écouté un premier morceau, donc c'est le premier morceau de l'album. Ouais. Pour l'instant, vous en avez qu'un. Ouais. Mais il y en a sûrement un deuxième en préparation. Ah, ça, ouais. Je le sens bien. Ouais. Je le sens bien. Parce que celui-là, oui, on l'a fait tourner dans les platines. Il commence à être bien usé. Oui. Mais ça fait. Mais par contre, quel album aussi? C'est un super album. En Tout cas. C'est celui du 2016, l'âge, on va dire. 2016. Ouais. 2016. Donc voilà. Il y a des bons trucs, il y a des trucs que bah perso j'aime un peu moins écouter maintenant parce que c'est pas qu'on est passé à autre chose, mais tu sais ça évolue toujours un peu, donc oui, c'est sûr, hein. Ou que j'écoute moins pendant un temps et que je prends plaisir à jouer plus souvent, ou toi il y a plein de choses un peu rigolotes dans tout ça, quoi, des sentiments un peu bizarres. Je crois qu'on est tous comme ça. Il y a un moment, il y a une chanson qu'on adore, et puis petit à petit, on l'écoute tellement qu'on s'en lasse. Et puis après, on est content de la réécouter. Ouais. Des fois, on oublie carrément. T'as tout le temps des chansons un peu phares, comme là, dans l'album, il y a des chansons phares, on va dire, que je me lasse jamais, moi, de jouer. C'est devenu votre hymne. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, il y en a quelques-unes, il y en a deux, trois sur l'album qui sont comme ça, que moi, j'adore jouer tout le temps. Et il y en a d'autres, je suis content de passer un peu à autre chose. D'accord. Voilà. Apache, ça fait partie desquelles? Ça fait partie des bonnes. Des bonnes, ça c'est. Ouais, parce qu'il y a une intro de batterie que j'aime bien. Ouais, l'intro de batterie, la guitare aussi, ce petit truc. Le petit truc qui va bien. En plus, Apache, elle est vraiment particulière parce qu'on a écrit, on va dire, les. Alors, il y a 10 titres sur l'album, il y a un titre où il y a c'est que musical. Rockin', c'était que musical. Et donc, on a écrit les 8 autres titres. Et ce 9e titre-là, c'est un pote qui l'a écrit et on l'a mis en musique. Voilà. On l'a mis en musique et le mec voyait une idée de musique. Et ce qu'on a fait, c'était vraiment ce qu'il avait vu, sans forcément correspondre sur ce truc-là, quoi. Ouais, c'est-à-dire que les paroles, finalement, amènent cette musique-là, naturellement. Ouais, ouais, exactement. Et donc, ça se marie parfaitement. Ouais, donc, c'est pour ça que celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la claque aussi. Ah ouais, La Claque, c'est... Oui, oui La Claque, c'est, je la crois claque, que c'est celle c'est... qu'on a passé le plus au départ. La Claque, c'est vraiment une chanson que j'adore. Ouais. Et puis La Claque, c'est une chanson qui sera toujours d'actualité, parce que les présidents ont beau passer, mais c'est toujours le même bazar. Alors, de toute façon, elle sera toujours, dans 25 ans, elle sera toujours d'actualité. Et on a beau essayer d'éviter, les claques, on s'en prend toujours. Ah ouais, ça, ouais. Y a rien temps, à faire. Tout le temps, tout le temps. Mais des fois, ça peut être bien aussi, ça peut nous réveiller. Il y a certaines claques où on dit, tiens, si je me suis pris ça, mais quelque part, ça me fait réagir, et puis... Ouais. On évite d'en donner, mais des fois, ça arrive aussi. Oui. Des fois, ça fait du bien d'en prendre. Hein. Des fois, ça fait du... Ouais, mais ça fait réagir. Ça fait réagir. Ouais, exactement. Alors, prends une petite tape, hein, c'est pas non plus, il faut pas... Ouais. Non plus. Ah, c'est pas une grosse baigne, quoi. En plus, ça dépend où on la met, la claque aussi. Ça peut être agréable aussi, des fois, c'est pas forcément... Ah oui, je vois à quoi tu penses. Alors, si les potes, ils nous écoutent, je vais leur dire direct, ce soir, en rentrant, on va s'arrêter au Petit Paris. D'accord. Ok, donc là c'était la première chanson, donc c'était Apache. On va continuer, on a tout l'album à diffuser et on a même des exclusivités. On en a une en live et une en... C'est la même chanson en live et en... Voilà. Ouais, tu sais, cette semaine j'étais du matin, je croyais avoir mis deux chansons différentes et non, c'est la même. C'est pas grave, on va en écouter une au début peut-être et puis une à la fin de l'émission. Ouais, comme ça. Et se passe bien le temps que les gens ils se rappellent plus trop. Mais comme ça, ça leur mettra dans la tête aussi. Voilà. La première fois ils vont l'écouter, ils vont découvrir, la deuxième fois ils vont dire tiens, ça me dit quelque chose. Bah oui, tu l'as déjà écouté en début d'émission. En plus, tu sais, celle-là, je pense que toi, on parlait des hymnes d'un album, je pense que celle-là peut devenir un des hymnes de l'album, du futur album. Très bien, donc je pense que celle-là va déjà, enfin, moi je l'adore. Il y a déjà des idées sur l'album, on va en parler tout au long, mais donc celle-là, ça serait peut-être une des chansons phares du prochain album. Je pense que ça peut devenir une chanson phare du prochain album, ouais. Donc restez avec nous, on va le découvrir, mais en attendant on va écouter peut-être la deuxième piste du premier album qui s'appelle On The Road. Ça fait partie de celle que vous aimez ou pas, quoi? Ouais, si. Ouais, là en plus elle a une histoire un peu particulière, voilà. Donc c'est rigolo, quoi. Donc on l'écoute et puis vous la racontez juste après. Ouais, c'est pas très long. D'accord, c'est parti. On The Road, le groupe Red Daff. voilà, donc on a écouté un morceau, on a écouté même un deuxième, et puis là j'étais un petit peu surpris avec le téléphone, il y a des gens qui nous appellent effectivement, et donc c'était pour les Red Daff aussi, un petit coucou d'une personne qu'on connaît je crois un peu tous, c'est Christophe des Iron Troopers et des Prism 1, voilà, de nouveaux projets, et donc on était en train de discuter ensemble, et puis j'arrivais à la fin du morceau effectivement, donc ils vous passent le bonjour, et puis ils espèrent bien un jour jouer peut-être au caisson aussi, hein, voilà, donc pourquoi pas. Ça dépend combien ils nous donnent. Voilà. Donc on a écouté un morceau qui s'appelle On the Road. D'ailleurs, on a remis quelques notes là en fond sonore. Et juste après, on a écouté un morceau. On en avait parlé juste avant. Il s'agit du morceau qui s'appelle La Claque. Donc on s'est pris une bonne claque encore une fois de plus. Donc pour les histoires On the Road, il y avait une petite histoire. Vous avez ouais, c'est une chanson qu'on a écrite avec mon frangin. Alors mon frangin, c'est Antoine évidemment. Le guitariste. Le guitariste. Hein. Ouais. Et on était à la montagne. Et on a cassé. Ouais, ce seraient des voyageurs, hein, les Red Daff. Hein, ils aiment bien. Donc on était en famille à la montagne et on a écrit ça en. On va dire une semaine pour que ça soit tout calé et tout ça. Et on est revenu, on l'a présenté à Fab et Pomme. Et Fab, en général, change tout le temps des paroles, des trucs, des machins sur une chanson. Enfin, c'est le chanteur, donc il a mis. À son aise, on va dire. À son aise, voilà. Et là, il a pris la chanson d'un bloc. Et en fait, la chanson est telle qu'on l'a écrite. Il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Exceptionnellement, il nous a fait. Enfin, il l'a fait sur deux chansons, ça. Donc, une très récemment où il n'a rien changé et celle-là. Donc je peux te dire qu'on est très très content. Voilà. Ouais, parce que c'est-à-dire que quand vous amenez votre travail, par exemple ça peut être les paroles ou de la musique, un truc comme ça, vous confrontez finalement au ressenti des autres. Et puis des fois vous amenez un truc, on va essayer de modifier. Puis, vous voyez que ça passe pas. Et là par contre le truc, voilà, tout en intégral du départ jusqu'à la fin, il a été intégral. C'est bien le seul morceau, hein, je pense. Ouais, mais il y en a un autre avec le dernier morceau. J'ai perdu le titre. Bref. Lequel, le dernier ? Non. Là, c'est un tout. C'est un tout neuf. Ah, d'accord. Donc, je le connais pas encore. Voilà. Qu'on commence à jouer un peu à droite à gauche, mais c'est vraiment les deux seuls morceaux, quoi. D'accord. Donc après, tu sais, nous, on a une façon de travailler où chacun écrit de son côté. Et des fois ça coince, des fois ça déroule, mais quand ça coince, après on met tout ça, en gros, on pose tout ça sur la table, et il n'y en a pas un, quand on fait un album, il n'y en a pas un qui a écrit plus qu'un autre, ou quoi, on s'en fout, ça, on marche pas comme ça, c'est les Red Daff, donc... Il faut que ça convienne à tout le monde. Oui, voilà, exactement, aussi bien musicalement que... parolement. Ouais. Parolement. Voilà. C'est moyen. On va le dire. Moi, j'écris des chansons. Hein. Et donc, notre façon de bosser, c'est qu'on amène, quelqu'un amène une musique qu'il a, par exemple, ou un texte. Souvent, c'est la musique qui arrive d'abord. Ah. Ouais, ça dépend. Et puis, c'est à peu près la base, elle a à peu près bien, c'est bien cadré, tout ça. Et puis, par contre, après, les autres, donc on travaille dessus, et les autres viennent dire, ah, là, ça serait mieux, on va pas le faire, ça, on ferait mieux de faire par là, on passe par là. Ouais, ouais. Et voilà. Et donc, tout ça se construit, quoi. Et donc, chaque chanson, chaque musique est construite avec, l'abrogation de chacun, le travail de chacun, à chaque fois, sur une même chanson. Quoi. Et il parle bien, mon copain. C'est normal. Lui, il écrit pas de chansons. Non, mais moi, justement, au niveau parole, la musique, ça pourrait aller, mais au niveau parole, j'ai plus rien à dire, vu mon grand âge. Moi, j'ai plus rien à dire. Je laisse les jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire, les jeunes. Voilà, très intéressant. Ok, donc alors souvent vous avez dit c'est quand même la musique qui vient d'abord et après les paroles, tout le monde peut les apporter. Oui, souvent. Et les paroles sont toujours en français. Ça, c'est la langue en français. Ouais, c'est on va dire c'est à 99% en français. Ouais. Il y en a une en anglais. Qui a été écrite, ce sera certainement dans le prochain album. D'accord, ben on va puisqu'on savoir. En parle en espérant qu'il sortira à la fin de l'année. Ouais. Oui, je pense que c'est dans la possibilité de le faire. Et il y en a une qui a été écrite en anglais, voilà, par Fabrice. Oui. Alors là, par contre, pour l'anglais, on le laisse faire. On le laisse faire pour l'anglais, ouais. D'accord. Là, on lui coupe rien. Non, il laisse des bruits. Il n'y a pas de Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut bien, nous, on comprend rien en anglais. En anglais, ouais. Bah, lui, il se défend bien là-haut. Peut-être une chanson en égyptien aussi. Pourquoi pas. Il va nous ramener ça gravé sur des cailloux, là. Voilà. Ouais, sur des tablettes, c'est des tablettes en granit. Ouais, carrément. Ouais, mais apparemment, il paraît qu'il l'a chanté en Angleterre, sa chanson. Les Anglais, ils n'ont rien compris non plus. Ils n'ont rien compris non plus. Oh, les Anglais, ils ne comprennent jamais rien. Non, mais moi, je dis, ils ne font pas d'efforts. Parce que moi, j'estime que je parle très bien l'anglais, mais les Anglais ne me comprennent pas. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc. Ah, mais de toute façon, les Anglais nous ont jamais compris, de toute façon. Non, ça fait des siècles et des siècles qu'ils ne comprennent pas, de toute façon. Ça, à la limite, ça a toujours été une rivalité. Entre les Anglais et les Français, voilà. Il y a toujours ce petit truc. Mais en même temps, bon. Mais ce sont de très bons musiciens. C'est sûrement pour ça qu'on les aime bien. Ouais, et en même temps, on s'estime aussi. Il faut s'apprécier pour nos différences. Tout à fait. On les adore, même on les adore, les Anglais. Voilà, donc maintenant on sait qu'il y aura peut-être une chanson en anglais dans le prochain album. Ah oui, je pense. Ouais. On peut même le certifier. Il y en aura une. Elle est déjà même bien calée, celle-là. Ça tourne déjà très bien. Il y a un titre ou pas? Oui. Il y a un titre. Il y a un titre. On sait qu'il y a un titre. Bon, on ne le dira pas. Et l'album aussi, il y a un titre. Non, l'album n'a pas de titre. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Parce que le premier, il n'y avait pas de titre, c'était On the Road. Ouais, ouais. C'était celui de. Oui, finalement, c'était On the Road. Ouais, maintenant, voilà. tu me le dis. On the Road. Peut-être deux petites informations. Le prochain album sera encore plus rock que ça, mais avec le premier album, on nous a reproché, vous faites jamais des slow, des choses comme ça, enfin des balades un peu plus tranquilles. Les slow, c'était dans les années 50. Voilà. Donc. Sur l'album, il y en aura bien une ou deux balades un peu plus tranquilles et qui très bien. Et des balades un petit peu blues ou rock balade. D'accord. Ouais. Voilà. Non, pas trop blues. Si, il y en a. Bon, on va le dire. C'est pas aussi. Il y aura un morceau qui. On s'est basé un peu sur le. Comment s'appelle le groupe là. Ah, les Rita Mitsuko, ouais. Non, c'est pas Mitsuko, non. Oui, mais quoi, c'est très bien, Rita Mitsuko. Je dis ça parce qu'on a une chanson qu'on est en train de travailler en ce moment et on a un. Metallica. Voilà. Ah ouais. Style Metallica, voilà. D'accord. D'accord. Hein, slow style Metallica, ouais. Quoi, voilà. Mais tout en restant à notre place, attention. Voilà. Non, on veut pas prendre la place de Metallica. On va essayer de faire un truc qui déglingue. Voilà. Mais il y a rien de sûr. Peut-être que Metallica reprendront notre chanson. On va savoir. Je pense, ouais. S'ils l'entendent, ils vont vouloir la reprendre, ça c'est sûr, c'est sympa. C'est une certitude. Ok, donc on commence à savoir un petit peu plus. On va parler un peu plus des projets parce que bon, là on sait il va y avoir un enregistrement. L'enregistrement est déjà commencé. Il y a déjà eu des. On avait enregistré. On a deux chansons qui étaient en boîte là. Qui étaient enregistrées il y a 2 ans même, je crois, un an et demi. Et si tu veux, on avait eu l'occasion d'aller enregistrer à Blois au studio Pôle Nord. De par un pote qu'on avait qui faisait partie d'une association dont je ne connais pas du tout le nom. Et leur but était d'enregistrer, je crois que c'était une fois par mois, un groupe local, gratuitement comme ça. Et un jour, ils nous ont dit, écoutez, on aimerait bien que vous veniez. Si ça vous intéresse, on peut enregistrer 2 morceaux. Et puis voilà quoi. Donc on avait fait ça et on avait enregistré différemment de ce qu'on avait fait l'album. Donc c'était pas mal, c'était une expérience différente de ce qu'on avait pu connaître avant. Et donc depuis 1 an et demi, on a 2 morceaux qui sont déjà en boîte, qu'on tourne déjà en concert depuis un certain temps, tu vois. Et voilà. Et après pour le restant, on commence à avoir. Si vous, l'album commence à être bien dessiné, quoi. On veut sortir un album de 10 titres, 10 ou 11, on verra. Peut-être qu'on mettra un live dessus si on a un truc qui est pas mal. Et puis, alors après, pour te dire où est-ce qu'on va enregistrer, dans quel studio, tout ça. On sait pas encore. Abbey Road, pourquoi pas. Abbey Road. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Le Sun Studio aussi, ouais, à Memphis. Ouais, aussi, ouais. Ils sont connus, hein. Moi, j'en connais très peu. Donc, Bon, après, le plus dur, c'est la recherche des sponsors pour aller là-bas. Ouais, c'est ça. Mais non, ça commence à bien prendre tournure. Après, fin d'année, on l'espère. Forcément, on rame tous dans le même sens pour faire ça, mais entre-temps, on veut quand même faire un peu de scène, donc... Ouais, tout ça prend du temps. Quand tu travailles pour la scène, tu travailles pas pour l'album, et quand tu travailles pour l'album, tu travailles pas forcément pour la scène, et... Pour se rassurer, on a toujours besoin de travailler un peu, même les morceaux qu'on joue depuis quasiment 10 ans, quoi, donc... On veut tout le temps se rafraîchir un peu avec ça, quoi. Donc, bah, pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose, quoi. Donc, et comme dirait Fab, ça prendra le temps qu'il faudra que ça prenne. Voilà. Mais ça, mais c'est comme ça qu'il faut penser, hein. Bah voilà, ouais. Il faut pas se précipiter, il faut pas vouloir faire les choses dans l'urgence. Non, mais c'est ça le truc. Quand c'est bon, quand vous le sentez, voilà, là, c'est bon, on le sent. Là, on sent pas, on laisse tomber, voilà. Et puis, il faut attendre de laisser mûrir les choses, hein. Tout à fait. Des fois, c'est comme ça que ça vient, et ça vient tout seul, voilà. Comme tout ce qui est artistique, hein, on peut pas le forcer. Ah non, ça se force pas. Puis en plus de ça, c'est vrai, comme disait Fanfan, on est bien obligé quand même de travailler, même les morceaux qu'on joue depuis longtemps. Mais la musique, elle donne tout de suite des cartons rouges. Elle donne pas de cartons jaunes. Si vous jouez pas, répétez pas, si vous travaillez pas la musique, que ce soit n'importe quelle musique, il y a la sanction qui tombe tout de suite, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Alors peut-être que des fois le public le sent pas, mais nous, sur scène, entre nous, claque, bon, il y a quelque chose qui n'a pas été. Effectivement, il y a plusieurs niveaux. Au niveau du public, il y a ceux qui écoutent comme ça en fond, ils vont pas s'en apercevoir. Il y a ceux qui sont déjà un peu plus avertis, qui vont faire attention un petit peu. Non, oui, voilà. Et après, il y a ceux qui vous suivent et qui connaissent ces trucs par cœur, voilà. Et qui là, eux, ils vont voir le truc là. Ah, mais ils vont voir là, le truc. Il a mis 4 ans de plus, c'est parce qu'il y a eu un truc qui n'est pas parti comme il fallait. Voilà, ils ont rajouté un peu de. Bon, voilà. Mais bon, ça passe à chaque fois. Mais il n'empêche que tous les musiciens le diront, de toute façon. Que ce soit du rock, du classique, du traditionnel ou quoi que ce soit. N'importe comment, le travail, la musique, ça se travaille. Si on ne le travaille pas, c'est le carton rouge tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est sûr. Voilà. Un peu comme au football. Hein. Au football aussi, on peut comparer ça au football. Je ne sais pas ce qu'il prend comme produit, mon copain, mais. Ah, c'est fort. Sauf qu'au football, vous voyez, dans le groupe, ils sont 11 hein, quand même. Donc s'il y en a un qui foire, si les 10 autres sont bien, bah, ça va moins se voir. Ça va un peu moins, oui. Voilà, et en plus, les attaquants, il y en a plusieurs, des défenseurs, il y en a plusieurs. Voilà. Alors qu'à la batterie, il y en a un seul, et puis à la basse, il y en a un seul. Donc, voilà. Tu sais, c'est jamais la batterie qui foire. Hein. Pas chez les Red Hat. Non, tu penses. Des fois, la batterie, on voit bien qu'il y a des cerclages en fer. Hein. Des fois, on le voit pas, mais on l'entend. Hein. Non, mais ceux, quand on peut en mettre une petite à côté. Ouais. Mais des fois, on gêne pas. Oui, le rock aussi, il faut que ça bave. Hein. Si ça bave pas, c'est plus du rock. C'est ça le rock and roll. Ben, bien sûr. Tu montes sur une scène, t'as une guitare, tu sais pas si ça va marcher. Voilà. Et tu vas, c'est ça le rock. C'est ça le rock and roll. C'est ça le rock. Voilà, c'est ça le rock. Les Zeppelin en 62, hein, ils ont brûlé tout le premier rang. Ah oui, c'est formidable ce truc-là. Moi, il m'a fait rire. Moi aussi, il m'a fait délirer le mec. Et tout à l'heure, justement, moi, j'ai écouté un petit peu. J'étais avec des amis, on a écouté tous ensemble. On écoutait Led Zeppelin, un groupe qu'on avait écouté, Deep Purple, des groupes comme ça qui étaient quand même formidables. Et aujourd'hui, on parle de rock classique. Moi, ça me surprend un peu parce qu'à l'époque, c'était pas du rock classique. Ah, c'était des mecs, sauf classique. Ouais, c'était une révolution. Moi, je me souviens quand j'ai découvert ça. Et dans tous les sens du terme, en plus. Il n'y avait pas ça avant. Et c'est venu, ça nous est tombé dessus. Et encore aujourd'hui, on en parle. Il faut quand même dire, c'était une vraie révolution. Des artistes superbes, mais ils étaient. On pense par exemple à même The Doors avec Jim Morrison. C'était des allumés quand même. Il faut quand même le dire à cette époque-là. En même temps, on n'a jamais été à un concert de Mozart. Peut-être que ça bougeait beaucoup aussi. Il était peut-être allumé aussi. Tu sais que les grands compositeurs classiques et tout ça, ils étaient un peu l'équivalent des rockstars. Ils étaient un petit peu aussi. Voilà, et ça se trouve, ils étaient encore plus allumés que les autres. Il faut le savoir. Je crois que on a besoin de prendre une claque de temps en temps, justement, avec la musique. Et eux, nous en avaient mis une bonne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de rock classique. C'était il y a 50 ans. Parce que ils ont peut-être posé les bases du rock et du rock, quoi. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait ça a apporté une richesse dans le rock. Ouais. Dans ce rock classique, c'est ces groupes de Led Zeppelin, de Deep Purple, des Doors et tout, qui ont apporté une richesse incroyable au rock and roll. Tout à fait. Parce que le rock and roll, on l'a fait d'une certaine manière, il a évolué petit à petit, et là, il y a eu une claque. Je crois qu'il y a eu un truc assez fort. Et il y en a eu plusieurs. Il faut savoir, quand même, dans l'histoire du rock and roll, il y a eu un peu plus tard les punks qui, eux, faisaient, Deep Purple, c'était des super musiciens et tout ça. Les punks, ils faisaient des trucs avec 2-3 accords, ils le faisaient avec une force pas possible, et ils ont rebusculé un petit peu l'énergie. Tout le monde a amené un petit peu sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, on peut pas dire le rock, c'est une chose. Du rock, c'est très large. Le rock, c'est immense. Ça va de Ah oui, de là, quoi. Et puis ouais, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est... Et puis ça évoluera c'est... tout le temps, le rock, je pense. C'est une musique qui va évoluer dans le temps, mais ça restera toujours du rock. On peut intégrer, il y a beaucoup de gens dans tous les pays qui intègrent justement leur musique de chaque pays au rock, et ça fait des mélanges pas possibles. Tout à fait. Et après, ça se remélange encore. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse. Parce que même quand on voit que ce soit de l'irlandais, du celtique, qu'on fait du rock celtique, c'est des musiques traditionnelles qui ont été transformées, enfin... La base est toujours la même. En rock'n'roll, c'est extraordinaire, le rock celtique. Moi, je trouve ça superbe. Ah ouais. Mais si on regarde un peu plus loin, d'où vient le rock? Il y a le côté un petit peu, des Noirs américains qui ont amené le blues et tout ça. Et après, il y avait aussi le côté country. Et le country, c'était quoi? C'était des Européens qui ont amené leur musique là-bas et qui a évolué. Donc, il y avait déjà une origine irlandaise, peut-être, déjà. Tout à fait. Donc, finalement, c'est un retour. On remixe quelque chose qui a déjà été, qui a déjà existé. Donc ça t'intègre parfaitement puisqu'il était déjà à l'origine de cette musique-là. Donc c'est vraiment un... Il faut savoir, aux États-Unis, il y avait tout. Il y avait les Irlandais, beaucoup d'Irlandais, la musique anglaise. Il y avait aussi tous les Espagnols, les Polonais, tout ça. Tout ça emmenait un petit peu leur... Et même, il y avait un groupe génial qui avait repris des musiques dans le rock à l'époque de Deep Purple 2, qui, je ne sais pas si tu te souviens, mais il s'appelait les Exceptions. Ah oui, ils avaient repris des musiques classiques en rock'n'roll. La cinquième de Beethoven, la danse du sabre, tout ça, ils avaient fait ça en rock'n'roll. C'était excellent. Les Exceptions, ça s'appelait. Ouais. Là, nous, Titi, on est trop jeunes. Oui, mais là ils n'étaient pas nés. Les deux à côté de moi, ils n'étaient pas nés. Là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que justement, nous on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, c'est que finalement, la musique, il n'y en a qu'une. Et après, c'est la manière de l'interpréter. Exactement. Parce qu'on imagine, on va jouer quelque chose au piano ou au violon, ça va être de la musique classique. Le même morceau interprété avec une guitare qui a de la distorsion, une basse et une batterie, ça vient du rock and roll, et c'est la même chanson, et on la reconnaît. Exactement. Voilà. Et note par note, c'est la même partition, c'est la même. Et après, c'est l'énergie. Après, c'est le rythme et l'énergie qu'on met dedans. Voilà. Tout à fait. On peut résumer à peu près ça comme ça. C'est sûr. Voilà. C'est exactement ça. Donc, vous allez reprendre la cinquième de Beethoven dans votre prochain album. Pourquoi pas. Mais on s'arrêtera au temps. Là, on est pas sûr. On s'arrêtera au temps. Ça, je veux bien le faire, ça. Pas de problème. On va casser 2-3 baguettes là-dessus. D'accord. Donc on a parlé un petit peu du rock, on a parlé un peu de vos influences aussi, parce qu'on a cité quand même pas mal de groupes et je crois qu'on les reconnaît tous. Il y en a peut-être d'autres que vous avez envie de citer aussi, des groupes qui vous ont influencé, qui vous ont donné envie de faire de la musique. On a parlé des années 70, mais il y avait sûrement d'autres époques. 80, mais 70, 80, 90, il y en a plein. Ouais, ouais. Moi j'adore AC/DC, on a beaucoup écouté de Téléphone, il y a eu du Trust, grosso modo, les grands classiques du rock and roll, quoi. Plus jeune, j'écoutais Iron Maiden, Metallica, des trucs qui sortaient pas vraiment des sentiers battus, mais comme on le disait tout à l'heure, amener leur pierre à l'édifice au truc, quoi. Alors que moi, j'ai commencé plutôt avec les Beatles et les Rolling Stones. Ouais. Moi, je suis un très estonien. Ouais. Et les Creedence Clearwater Revival. Les Creedence aussi, formidable. Et puis il y a un grand groupe avec un super guitariste qui était là, qui sont arrivés. Alors aussi qu'on fait un rock différent, c'est les Pink Floyd. Pink Floyd, il faut quand même le dire. C'est autre chose encore. C'est encore autre chose. Ils ont amené quelque chose de formidable. Ça a été révolutionnaire, les Pink Floyd. C'était aussi. On parlait aussi de la manière d'enregistrer a changé dans les années 70 aussi. Oui, c'était le début, les gens commençaient à chez eux être équipés en Hi-Fi. Avant, on écoutait ça comme on pouvait. Et là, les gens commençaient à s'intéresser à la qualité du son. Les studios ont évolué, les Pink Floyd, c'est formidable ce qu'ils ont pu apporter. C'est l'ère de l'expérimentation qui est arrivée derrière. Beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui, on les connaît parce qu'à l'époque, on faisait un peu n'importe quoi jusqu'à trouver les bonnes doses. Quand on enregistrait à l'époque, moi des fois, ça fait un peu sourire. On a la guitare qui est à droite, la basse qui est à gauche. Et une cymbale qui est à droite et l'autre à gauche. Ouais. Le mec, il fait comment là On imagine, c'est pas du tout l'image qu'on veut donner aujourd'hui. Mais à l'époque, on faisait comme ça parce que c'était nouveau et ça permettait de donner un son stéréo pour des gens qui avaient pas forcément un matériel comme on a aujourd'hui. Les Pink Floyd, c'est les premiers qu'on utilisait le gong, le gros gong, le batteur. Son gros gong, c'est les premiers qu'on utilisait ça. C'était, ils innovaient incroyable. Et au niveau des effets des guitares et tout ça, vraiment des effets fabuleux, aujourd'hui sont devenus des références. Voilà. Hein. Au même titre que les Beatles avec Harrison, il a innové dans les guitares un peu, grandes guitares indiennes. Les sitars et tout ça. Ils avaient amené un petit peu ce côté. Ils ont leur période où ils avaient été justement en Inde et tout ça. Leur période un peu hippie, c'était ça. Et donc, ils ont amené ces influences quand ils ont été un peu là-bas. Ils ont mis ça dans le rock, dans leurs chansons. Et ça fait que maintenant, je trouve ça très bien dans le rock, parce que tout instrument qui existe peut jouer du rock maintenant. Tout à fait, ouais. Voilà. Tout à fait. Alors qu'avant, le rock, c'était une guitare électrique, une batterie, une basse, et puis terminé, quoi. Mm-hmm. On n'ouvrait pas la porte aux autres instruments, quoi. Mm-hmm. Alors que maintenant, tous ces gens-là ont amené tous ces instruments traditionnels de telle ou telle région et tout, et ça se marie vachement bien, quoi. Ah oui, je veux dire que maintenant, un clarinettiste, un violoniste, puisque je suis violoniste... Une trompette, un Roxy Moore, il y a une mais trompette. Une trompette ou quoi que ce soit, et ben maintenant... Un triangliste, mais c'est le mec qui joue du triangle, ça. Il y a des il y a plus que des battes... En solo de triangle. Maintenant, il y a des groupes d'Europe qui ont des batteurs... Mais à côté d'eux, il y a des percussionnistes. Aussi, ouais. Ouais. Voilà. On en a eu un dernièrement, chez nous. Clavier, un tas de trucs bizarres, oui. Mm-hmm. Justement, dans les années 70, il y avait aussi cette particularité, c'est que les groupes, ils étaient souvent équipés avec leur piano Rod, là, qui avait un son vraiment particulier. Ouais. C'était le son de cette époque-là. Aujourd'hui, qui a été un petit peu oublié, mais à l'époque, ça avait vraiment une part. Je vois, par exemple, dans les Deep Purple, ils font carrément des solos. Des solos entiers, et puis après, il y a la guitare derrière. Avec ces sons particuliers qui aujourd'hui sont un peu oubliés, parce qu'aujourd'hui les claviers sont beaucoup plus enrichis, donc on est capable de faire n'importe quel son. On peut faire n'importe quel son avec alors qu'à l'époque on était un peu limité et on avait réussi à l'intégrer vraiment dans la musique de l'époque. Mais ça fonctionnait. C'était bien, ça a amené un tas de choses. Tous les instruments peuvent faire du rock et c'est formidable. Si on remonte même au plus ancien, le début du rock et tout ça, si on regarde bien, il y avait une contrebasse, il y avait une guitare, il y avait même pas de batterie. C'était la contrebasse qui donnait ça a tendance à revenir un peu, ça fait 2-3 groupes. Ça revient. Ça oscille entre basse, contrebasse. Le rock and roll arrivait juste après le jazz aussi. Le jazz était beaucoup la contrebasse. Puis la contrebasse, c'est le rockabilly après qui a On a lâché un peu dans le rock traditionnel, on va dire, la contrebasse. Le rockabilly a fait revenir la contrebasse. Ça revient. Il y a un groupe, Di Branco, je ne sais pas si tu connais, qui est un contrebassiste extraordinaire. Le gars, c'est un fou. Il monte debout sur sa contrebasse, des saltos avec et tout, et il joue comme un dieu. Et ça apporte une note formidable dans ce groupe. Di Branco, ils étaient passés au bout de ville, il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, effectivement, moi, à voir ce groupe. Je connais bien un contrebassiste que je côtoie assez régulièrement, qui fait partie on va pas revenir tout de suite. Je le connais aussi peut-être, non? Il va me revenir. Donc lui, il joue de la contrebasse, mais en plus ils ont leur spécificité. Donc ils ont des contrebasses dans lesquelles ils prennent le son de la corde, donc avec un micro pour les cordes, un micro pour la caisse. Et puis en plus, ils jouent avec des cordes particulières, parce que la contrebasse, ça se joue avec des cordes en métal, classique. Et eux jouent avec des cordes en tendon. C'est du tendon de bœuf, donc c'est un son très sec, encore complètement différent, un toucher différent, et puis le slap qui est complètement différent. Donc ils vont même chercher le son d'avant le son qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc aujourd'hui on connaît les basses, on connaît les contrebasses, mais eux ils vont encore chercher vraiment les origines, quoi. Le son des années 50, 40, 50. Voilà. Donc on a eu un groupe c'est l'année dernière, je crois, au Caisson. Les Westerline. Qui passe le 7. Le mec, il. À Orléans, ils jouent de la contrebasse. En plus, ils sont trois, quoi. Donc, ils sont trois. Vraiment. Et c'est des ménages. Chanteur-guitariste. Je me rappelle plus du prénom du chanteur-guitariste. Moïse. Moïse, ouais, voilà, c'est ça. On les connaît bien. Ils sont déjà venus à. Et franchement, les mecs, ils. ils arrachent tout, quoi. Ouais, non, et puis ils ont. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils font du rock. C'est vraiment du rock. C'est du rock d'origine, ouais. d'origine, ouais. Mais avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, ouais. il peut y avoir la contrebasse, mais les guitares et tout ça, c'est plus les guitares comme ils avaient de Mickey et tout ça. Mais il y a quand même ce truc, c'est vraiment le rock and roll des origines. Ouais, ah oui, ils ont pas mal de rock. Ils ont un certain âge, les gars. Ah ouais, mais ils sont bons. Mais franchement, il y a une énergie. Ils sont super bien. Truc ouais. de dingue. Ah ouais, vraiment, je crois que. Ils passent Orléans. Enfin, moi, j'avais été vraiment bluffé par eux. Ah, et bah, les Orléanais, vous déplacez-vous et allez les voir. Parce ouais. que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ah oui, ça West Orleans. Voilà, et West Orleans, ils passent le 7 au Blue Devil. D'ailleurs, si vous nous écoutez, messieurs, bonjour. On va pas voir les. Ah, dommage. Bah, voilà. Oui, c'est le jeu de 7. Entre temps, bah, effectivement, il manquait le nom, c'était les Golden Rockets. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir. Alors là, c'est vraiment le rock'n'roll des origines. C'était vraiment le rock'n'roll, le rockabilly, quoi. Tout à fait. Donc avec vraiment les instruments de l'époque. Hein. Là, c'est vraiment les guitares de Mickey, les comment s'appellent ces guitares-là. Je me souviens plus. Ils ont un nom particulier. Les premières guitares électriques, hein, vraiment. Ouais, ouais. Et les contrebasses et puis la batterie comme à l'époque. Quoi, hein. C'était pas la batterie avec plein de cymbales et tout ça. C'était vraiment, c'était vraiment minimum, primaire. Hein. Primaire, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de contrebasse, j'avais vu. Tu vas t'y mettre. Non, mais c'est là justement cette contrebasse qui, à l'époque du jazz après la guerre, quand les jazzmen américains sont arrivés, c'était le à transporter la contrebasse, c'était le bazar quand même. Ouais, et ça a été la première guitare électrifiée. C'était une basse. Pour éviter le déplacement des contrebasses. Je crois que c'est Fender qui a fait ça. D'accord. Voilà. Oui, c'est effectivement, la caisse, avec l'électronique, on peut reproduire un petit peu le son, la résonance de la caisse, sans avoir la caisse, quoi. Voilà. La première électrification de la guitare, c'est une basse, justement, pour éviter ce transport de la contrebasse, qui était un bordel pas possible. Mm-hmm. Il y a des histoires comme ça qui sont fabuleuses. C'est comme, par exemple, l'histoire du saxophone qu'on retrouve encore dans le rock, hein, ça a été ça continue, mais qui a été intégré vraiment dans le jazz. Ça a été fait à une époque où les militaires américains étaient venus, la Première Guerre mondiale, ils étaient venus en Europe. En Europe, ben, on se débarrassait de tout ce qui était cuivre, pour le prix du cuivre. Ouais. Donc les Américains ne connaissaient pas le saxophone, ils ne le connaissaient pas. Et ils sont venus en France, ils ont trouvé le saxophone, ils l'ont acheté au prix du cuivre. Ils ont dit, et ils ont appris à jouer à ça, ils l'ont ramené chez eux, et là, ils l'ont intégré à leur musique. Et sinon, le saxophone, pratiquement, il a été abandonné après cette époque-là, dans les musiques modernes. Mais par contre, il est revenu avec le rock'n'roll, avec le jazz, avec tous ces trucs-là. Donc c'est un peu marrant, à un moment, il aurait presque disparu et grâce à des gens il est reparti. C'est super parce qu'en plus c'est un super instrument. Ouais. Et il y a des slows où on l'entend résonner, même, c'est formidable. Même d'ailleurs quand on n'est pas musicien, qu'on n'en joue pas, mais sur un buffet de salle à manger, je trouve ça très joli. Très moi, joli. En déco. Avec un petit grover, derrière. C'est très joli. Un pot de fleurs, un vase, un truc comme ça, c'est chouette. Voilà. C'est étanche. Je propose qu'on écoute un petit peu de musique. Alors là, j'ai pas pris le temps d'écouter, mais on va écouter le Red Daft numéro 16. Vous voulez dire? Donc c'est le morceau que tu nous as apporté. Alors je sais pas. C'est comme dans un restaurant chinois, on donne un numéro. je sais pas c'est lequel. Donc là, surprise. Quand c'est difficile à prononcer, on donne un numéro comme ça. Je crois que c'est un nouveau qui est pas tout à fait nouveau celui-là, mais c'est un nouveau. D'accord, tu m'as amené deux morceaux et c'est deux fois les mêmes. Hein. Je crois. Donc, ce qu'on va faire, on va l'écouter, on va le découvrir ensemble. Moi, je le connais pas du tout. Vous le connaissez peut-être. Oui, vous le connaissez puisque c'est vous qui jouez dedans. Donc, il me semble que vous le connaissez. Et puis après, on en parle juste après. Ça marche. Comme ça. C'est parti. Ah, c'est un live. C'est un live, celui-là. Ça va toujours au caisson? Ouais! Ah non, vous dormez. Ça va au caisson? Ouais! Je crois qu'on peut faire largement mieux. Est-ce que ça va au caisson? Ouais! Alors je vous présente des Redaf. La fratrie Gauthier, Antoine, Fanfan. Super bassiste, il a les yeux qui piquent, Mike Bess et une lunette noire. Tommy, leader du groupe. Il s'appelle Fabrice. Yeah. voilà, ça donne envie, hein. Voilà un petit peu l'ambiance du caisson, cet endroit fabuleux, magique, dont on parle de assez souvent ici dans l'émission. Dès qu'il y a un événement là-bas, de toute façon, on avertit tout le monde, parce que ça fait partie des endroits où les artistes peuvent se produire, et il y en a pas tant que ça finalement, et des bons endroits comme celui-là, franchement. Il y a des endroits où je vais parce que je rencontre les artistes, mais il y a des endroits où je vais écouter les artistes, et là c'est un endroit où vous aurez entendu le son est très bon. C'est un... ça tu peux remercier Titi, hein. Oui. Ouais, voilà. Il y est pour quelque chose aussi. Il y est pour quelque chose. L'endroit se porte aussi. Il faut savoir qu'il y a des endroits où, de toute façon, ça résonnera mal parce qu'ils ne sont pas traités au niveau acoustique. Là, c'est un endroit qui, naturellement, sonne bien. Bah, ah, si oui. on partait de rien dans le caisson. Donc, c'était une grange où il n'y avait rien. Donc, à partir de là, faire quelque chose pour une salle de concert, bah, autant essayer de le faire, de prendre des matériaux qui vont pas mal, quoi. Mmh. Donc il y a du bois, il y a de la laine de roche spéciale acoustique, bordel. Après on a essayé de faire un truc, nous on n'est pas des professionnels de tous ces bazars là, mais malgré tout on dit qu'on n'a pas trop mal réussi notre coup, parce que C'est vous qui avez tout fait. Le caisson, il y avait rien, c'était une grange vide. Que, après il faut savoir, effectivement il y a des gens qui font des études pour traiter les bâtiments et tout ça, il y a des ingénieurs, et après ils viennent avec des machines, ils envoient des fréquences et tout ça, mais après il y a des gens qui ont simplement l'oreille, ils disent tiens ça résonne, ça m'embête, je vais essayer de toucher, et on bouge les panneaux et puis on les met et puis là on a un bon truc, continue comme ça, et finalement vous avez réussi à obtenir le son que vous voulez. Ouais, alors, tout en sachant que on n'a pas touché à grand chose, parce que on n'a même rien touché d'ailleurs. Mmh. On a mis en place, on a dû croiser les doigts un peu fort pour que ça donne bien, et malgré tout. On a amené l'électricité quand même, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Ouais, il y avait le courant, mais il y avait une prise, quoi. Il y avait une prise, et puis un gars qui pédalait derrière. C'est à peu près ça, il était à la cave. Alors depuis, on l'a libéré. Ouais, il était content. Hein. Il était content. Ouais, ça faisait 50 ans qu'il pédalait, on avait marre. Non, mais imagine. Non, mais par contre, l'endroit, il est magnifique. Moi, j'aime bien. Il a du caractère. Moi, j'aime bien. Il y a de la chaleur. Ce côté rock and roll. Il y a du bois. J'aime bien. Il y a de la pierre. Il y a. On se tient chaud. Dedans. Bon. Moi, j'ai été fois avec des concerts où il faisait très froid dehors. On rentre dedans. On est à l'aise. C'est une boulevard. Et il y a. C'est vrai. On ne sait pas pourquoi, mais toujours là, il y a une ambiance. Nous, les deux frangins, on sait pourquoi, mais on vous le dira pas. Ah bon. Il plane une atmosphère. Une atmosphère. Et on vient vous de brûlez loin. Des trucs particuliers. Dans... Non. C'est. Si vous, on a une cette salle-là, elle a vraiment une histoire. Mm-hmm. Pour nous. Antoine m'en a parlé. Il m'avait dit truc vraiment c'est un endroit qu'il a toujours connu. Ouais, il a toujours connu. Et c'était un quai. C'était une grange où, pour la petite histoire vite fait, c'était une ferme à la base. Ouais. Titi a racheté la maison, Antoine il avait racheté la grange. De ça, on a fait le caisson, machin, tout le bazar. La scène actuelle, nous on n'a rien fait. C'était comme ça. Ah là, d'accord. C'est tout. Il y avait le caisson, il y avait le quai qui était là. Ouais, voilà. C'était un quai où il y avait du grain dessus. Et dans la salle, si un jour tu viens qu'il n'y a pas grand monde, on va dire, il y a des gros ronds par terre qu'on a rebouchés avec du béton, et c'était des grosses cellules à grains, tu vois. D'accord. Et c'est notre papa qui a travaillé en tant qu'ouvrier agricole dans cette ferme. Ok. Donc il y a forcément un truc particulier pour nous, tu vois. Ah oui, on sent que c'est un endroit qui, je sais pas, c'est pas comme un truc qui est préfabriqué, on voit que c'est quelque chose qui a une histoire. Alors notre papa est décédé il y a maintenant quelques années, et t'aurais connu le bonhomme? Tu te serais dit, c'est exactement ce qui se passe au caisson. Tu vois, c'est le... L'ambiance que qu'on... Ouais. L'ambiance où t'as pas de stress, t'es bien, tu viens boire un coup avec tes potes. Voilà. Tu viens faire. Moi, je peux dire la Java, mais tu viens passer une bonne. Tu vois, il y a pas de. On se sent un peu chez soi. Pas de prise de tête, pas de. Voilà. Moi, je vais chez vous, je me sens un peu chez moi, quoi. Je suis bien, je suis à l'aise. Il y a des endroits qui sont oppressants, qui sont stressants. Des fois, on va à des concerts à Paris, tout ça. Bon, il faut aller à Paris. Là, on arrive, on dit, de toute façon, je suis bien là. À la limite, je vais passer un bon moment et tout ça. Après, si tu veux rester dormir, on a ce qu'il faut aussi. Non, non, voilà. On peut te laisser le chauffage et tout, c'est pas dans, dans, et dans l'émission. On a les frigos bien chargés aussi, hein, c'est aussi. Pas de problème. Et voilà. Tu sais. On évitera la Corona. Ouais. Dans le, dans les, juste avant l'émission, il y a Teresa qui fait son, son émission depuis quelques temps déjà et elle reste souvent avec nous. Donc on discutait de ce côté-là. Ouais. Et elle me dit ouais, mais c'est bien, tu les connais et tout ça. Je dis mais écoute, ces gars-là, je les ai rencontrés la première fois, c'est comme si on se connaissait. Je crois qu'on avait un bon feeling dès le départ. Ouais, et à chaque fois que je vais au caisson, même qui joue pas. Je suis bien avec eux, on discute et voilà, c'est, ouais, c'est vraiment. Franchement, c'est la famille aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais, mais franchement, je pense c'est que vrai. Le public qui fait pour beaucoup. Ouais, tout. Y a... Comme tu dis, la famille, c'est un. Mais tu sais, on a. Beaucoup de rockers, mais aussi de gens qui viennent comme ça dans la famille parce que c'est. Des rockers ou pas des rockers, des gens qui aiment la musique ou voilà. Juste des, peut-être juste des accompagnants, mais ouais, il se passe vraiment un truc, tu sais. Tu sais, j'ai du mal tout le temps à le décrire, mais. C'est peinard. Voilà, c'est peinard. Tu viens écouter de la musique. C'est justement parce qu'on ne peut pas le décrire que c'est exceptionnel. Ouais, tu viens écouter de la musique, tu bois un coup, bière ou pas bière, ou autre chose, peu importe. Mais tu es là pour passer un moment peinard. Si tu n'as pas envie d'écouter, bah, tu peux aller dehors, on a une petite cour, un préau, il y a tout le temps un truc à manger ou un truc à boire. Donc si t'as envie de moins écouter, tu peux te mettre un petit peu plus à l'écart. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est un endroit de rencontre. Et il y a un truc qui est fabuleux, c'est que vous habitez quand même dans un village. Hein. Il y a pas. Ah bah, et j'ai l'impression que tout le monde est là. C'est un rendez-vous. Tout le monde est là. Pour te donner un ordre d'idée, t'as le 6, c'est un village où il y a 250 habitants, grosso 300, modo. 300, ouais. Et la jauge de la salle fait 250. Ouais, donc ils sont tous là. Sans compter les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà. Alors il y a des gens régulièrement, il y a des gens qui viennent d'Orléans. Ouais, mais tiens, ceux-là, ils viennent d'Orléans. De plus loin. Ouais, même de plus loin aussi. Ouais. Voilà. Je dis Orléans, pourquoi aussi, parce que Orléans, Radio Arc-en-Ciel émet souvent. Et des fois, je dis tiens, c'est parce que j'ai entendu dans l'émission Mabrika qu'il y avait un truc et je suis venu. Donc ça fait plaisir aussi de savoir. En plus, c'est super accessible parce que tu prends l'autoroute à Orléans, là, Orléans nord, ouest, sud, comme tu veux, j'en sais rien. Mais tu sors à mer et de mer, c'est à 4 km. Quoi. Ouais, c'est, tout à fait. Ça va super moi, j'aime vite. Bien y aller par les chemins de campagne parce qu'au retour, ben, je rencontre des chevreuils, des. Ah oui, des renards. C'est joli. C'est joli. Ah oui, c'est joli. Dans la nuit, on les voit, les lapins. Des fois, on les voit pas aussi. Il y a les schtroumpfs aussi, par contre. Ça, c'est moins rigolo. Bon, après, il faut pas dépasser non plus. Non plus. Attention, à consommer avec modération. Bien sûr. L'alcool, pas le caisson. Le caisson, vous pouvez y aller, c'est sans modération. C'est ça, la musique, c'est quelque chose de fabuleux, c'est qu'on peut l'écouter des heures et des heures et des heures, et voilà, il n'y a pas de contre-indication. Et c'est même bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Et je pourrais ajouter, c'est que non seulement les gens se sentent bien quand ils viennent écouter, mais les musiciens, moi, je vois à chaque fois qu'il y a des concerts au caisson, les musiciens, on sent qu'ils sont bien. C'est vraiment l'ambiance peinard, quoi. Tu vois même des gens comme Yarol. Il envoie des salles quand même. Il a quand même bourlingué. Quoi. C'est pas le mec qui fait un petit concert tous les 15 du mois. Hein. Ouais. Et il se sent bien, c'est bien. D'ailleurs, il demande à revenir. Il va faire des morceaux en plus. Il va des excellents artistes en plus. Non, franchement. Je pense aussi à Yarold, Manu Lanvin qui était passé aussi. Franchement, une bête de scène. Et même sans parler de ces stars quand même qu'on a là. On a des musiciens moins connus, mais qui sont très bons groupes, qui sont de la région ou de Tours, d'Orléans. Ouais, les IFP, on en a parlé. Les IFP, c'est des potes. C'est pareil, c'est très particulier. C'est particulier, ouais. C'est nos frères. Elle, c'est la famille, enfin, eux, c'est la famille vraiment très proche, quoi. Alors, Pascal, je le retrouve là-bas à chaque fois, donc on discute toujours. Ouais. Et tu vois. On avait avant d'avoir le caisson, on avait vraiment une toute petite salle qui faisait je sais plus 50 mètres carrés, un truc comme ça. Et un jour, on s'est dit bah tiens, alors c'était notre salle de répète et on se dit bah tiens, on va se faire un petit concert là-dedans histoire de dire. Bon, on s'est retrouvé dans 50 mètres carrés, ça débordait, et on s'est retrouvé à peut-être bien 100 ou 150, j'en sais rien. Donc il fallait pousser un peu. C'est un ancien atelier, enfin c'est un peu un Bronx monumental. Et le premier concert qu'on a fait, enfin le premier où. Groupe qu'on a invité pour un concert chez nous, c'était Pascal. D'accord. Bah, et Pascal, ils ont fait le premier concert, le tout premier concert avec nous. Ils ont fait l'inauguration du caisson avec nous. Tu vois, c'est vraiment super particulier. Alors, moi, je les ai vus deux fois et deux fois au caisson. Ouais. D'ailleurs, il m'a dit de te passer le bonjour. Je l'ai vu cet après-midi. Ce matin, il m'a dit de te passer le bonjour. Et sans bien, oublier nos grands copains du groupe Blaisance. Hein, les Blaisance, sont, ouais. C'est, là, ils sont ouais, j'ai des photos, je les ai découverts chez vous et j'ai adoré. Franchement, on va en oublier ce soir parce que. On va en oublier, voilà. Tout et ça, c'est plein de potes. Mais c'est la musique, toi, c'est la rencontre. Et ce sont de très bons musiciens. Alors, c'est pas les Yarol Poupo, c'est pas les Manu Lorrain, mais c'est très bon. Ils t'ont filé combien, toi? Et ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'au caisson, on a voulu mettre quand même la fibre sociale. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on pourra faire rentrer des gens à des prix, des tarifs très peu chers, eh ben, on le fera. Voilà. Parce que ça permet à des gens qu'ont l'argent, puis d'autres où c'est un peu plus dur, mais de voir quand même qu'ils sont fous de rock, de musique, d'avoir la chance pour un prix dérisoire, pas dérisoire, mais de voir des guitaristes, de pouvoir voir le gars, parce que ce qui est bien, c'est d'écouter des musiques, mais il y a des gens, de voir les doigts du guitariste qui est à 3 mètres de soi, c'est un privilège incroyable. Les disques, c'est super, ben, tout ça, voilà. Mais aller au concert. Aller c'est, au concert, c'est oui. Vraiment quelque chose, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, et je pense que la personne, quoi, en gros, il boit une ou deux bières, il a passé sa soirée pour 15 euros. À minuit, il est dans son lit s'il veut. Et oui. Il a passé une super soirée. Tu vois, là, j'ai Isa. En fait, Isa, c'est la femme de Fab. D'accord. Et ils sont sur la route en train de revenir. Là, et elle me dit, tu sais, on ne trouvait pas les mots pour le caisson. Et en fait, elle me dit, tu vois, le caisson, c'est une âme de convivialité et surtout pas de jugement. Voilà. Ouais. Ni les uns sur les autres, ni la musique, ni quoi au caisse. T'aimes pas, t'en discutes, évidemment, mais. Mmh. On est qui pour juger quelqu'un, non? Ah non. Oui. Ouais. puis c'est pas un endroit, c'est pas un tribunal. On juge. Non, mais on n'est pas là pour ça. Moi, franchement, j'ai passé des bons moments avec. De l'amour. Voilà. Et de la zik. Ouais. On parlait tout à l'heure des Westerlings aussi, avec lesquels on avait passé un bon moment. Et puis justement, on dit peut-être qu'ils nous écoutent. Bonsoir Albino, super, bien sûr que je vous écoute. Bisous à vous tous. Donc, c'est notre ami Moïse qui nous envoie un petit message. On est très content. Bonsoir au Red Daf. Je voulais aussi faire un petit coucou à une personne qui est très importante ici. On en a parlé tout à l'heure, on a eu une petite réunion d'animateurs juste avant l'émission. Quelqu'un qu'on voudrait remercier en mon nom et en nom de tous les animateurs, c'est notre ami Florent. Voilà, qui enregistre, qui fait les podcasts de toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel, il faut le savoir. Nous, on récupère le son et on les redistribue derrière, mais c'est lui qui les fait. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Donc, il fait partie de l'équipe. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas dans les studios, mais qui fait partie un petit peu de l'équipe. Voilà, il travaille dans l'ombre. Plus qu'un petit peu. Il en fait plus que certains autres. Mais franchement, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et là, il enregistre, il avait quelques difficultés parce qu'il enregistre sur Internet. D'accord. Normalement, le son est super bon. Et des fois, petites coupures, il m'avait dit j'ai petites coupures, mais il m'a dit finalement ça passe bien, donc ça devrait le faire. Donc on salue notre ami Florent. Voilà, il y a d'autres personnes encore. Bonsoir Florent. Bonsoir. Et puis après on regardera un petit peu, on fera un petit peu le tour de tous les gens qui ont envoyé des messages, et puis on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi avant la fin de l'émission. Là il est 22h05, on va faire peut-être une petite coupure, on va écouter Annabelle, la voix d'Annabelle qui va parler dans le micro, parce que depuis le début de l'émission elle parle avec un micro qui se cache. À 50 cm. Voilà, donc on l'entend un petit peu en fond, mais on l'entend jamais vraiment comme il faut. Bon, ce qu'on va faire, on va écouter un petit peu de musique. On continue avec l'album des Red Dav qu'on connaît déjà, on connaît tous les morceaux, mais on va continuer à l'écouter dans l'ordre, hein, avec Lunette Noire. Si tu veux. si je veux. De toute façon, on va écouter tout l'album, donc vous n'avez pas le choix. Allons-y. Et Lunette Noire, et juste après, l'agenda de Mavrika présenté par Annabelle. On fait comme ça ? Allez. On fait comme ça. C'est parti. Comme un fou Brigitte, il est tricard. Jeter le voir, on ne cherche pas à savoir les raisons du business, le pouvoir du dollar. Tous ces mensonges avoués, tous ces politicards. Les règles sont bafouées, justice aléatoire. Le travail ne paie plus, ce reste la misère. Travail ne fait plus, il faut s'en satisfaire. Le travail ne fait plus, ce reste la misère. Le travail ne fait plus. Toujours courber le dos, toujours fermer sa gueule. Pour ces crétins d'impôts, ces banquiers sans valeur. Combien de vies brisées, combien de faux regards. Pour rassasier les riches, les cons et le pouvoir. Le travail ne fait plus, ce reste la misère. Le travail ne fait plus, il faut s'en satisfaire. Le travail ne fait plus, ce reste la misère. Rien ne sert de courir, tu auras toujours tort. Tu acceptes ton devoir, tu fais encore l'effort. Ils t'ont trahi, c'est sûr, tu cherches l'échappatoire. L'alcool, la religion, le jeune dans le tiroir. Le travail ne paie plus, ce reste la misère. Le travail ne plaît plus, ce reste la misère. Le travail ne plaît plus. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 20h30. Alors l'émission Mavrika, vous voulez écouter sur le 96.2 MHz et vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet. Hein. Vous pouvez avoir un très bon son sur Internet quand vous êtes chez vous via votre ordinateur sur www.radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, vous nous écoutez dans le monde entier en plus, hein. C'est le gros avantage. Voilà, on va donc continuer cette émission. Alors ce soir, c'est l'émission numéro 444, l'émission des Red DAF, et on va retrouver notre amie Annabelle qui va nous présenter, qui va remplacer Didier dans la présentation de l'agenda de Mavrika. Oui, voilà. Effectivement. On fait un petit coucou à Didier, hein. Oui. Je sais que il doit nous écouter, je pense. Et en plus, c'est lui qui avait préparé un petit peu l'agenda. Tout à fait. Et voilà, on lui fait un coucou à lui ainsi qu'à Patricia. Voilà, ça c'est important quand même. Oui. Alors, qu'y a-t-il par exemple ce soir? Qu'est-ce que les gens qui écoutent l'émission Mavrika ont loupé? Alors, voilà, on ne peut pas être partout. Hein, ouais. Ou alors, il y avait une soirée rockabilly au Croque-Bedaine, par exemple, rue de Bourgogne. C'était un concert du groupe Eldorado. Ouais, j'ai entendu parler, je connais pas encore, mais il est peut-être encore. Oui, c'est encore en cours, je pense. Oui, parce que les groupes de rockabilly, il y en a pas énormément quand même. Il faut quand même dans la région. Ouais. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, voilà, mais donc Eldorado, un groupe de plus. Voilà. Oui. Très bien. Au Croque-Bedaine, c'est un endroit qui reçoit beaucoup d'artistes en ce moment. C'est hallucinant. Oui, ils font tourner. C'est impeccable. Plusieurs jours par semaine, oui. Ouais, oui. Très bien. Voilà. Écoute, demain, samedi 29 février, donc. Donc, c'est une année bissextile. Tout à fait. Donc, ça arrivera tous les 4 ans. Hein, donc, donc, là, il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Il y a par exemple Manu Lorca. Qui est chez Olivier, à la Ferté-Saint-Aubin, ouais. À partir de 19h30. C'est un concert pop-rock année bissextile. Voilà, justement, ça tombe bien. Ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, donc le 29 février. Et Manu Lorca, qui était venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est un artiste, franchement, j'adore. Il a une manière d'interpréter les chansons. Vraiment, c'est l'artiste, le chanteur, un petit peu comme dans les années 70, avec cette manière d'enregistrer, un petit peu, moi je le compare un petit peu à John Hallyday, Sardou et tout ça. Des chanteurs à voix, avec des bons musiciens, et avec une orchestration assez particulière, hein, qui correspondait à cette époque-là. Et donc, lui, il continue à interpréter des chansons comme ça. Il a une voix terrible. C'est un gars super. Et donc, si vous avez l'occasion un jour d'aller le voir, là, c'est justement l'occasion demain ou alors une autre fois, Manu Lorca. Voilà. Il y a Floyd Legacy. C'est un tribute de Pink Floyd, justement, on en parlait, de Paris, hein, un groupe de Paris. Et Corrosive System, ils seront au Track Bar à Tigy. Ouais, Corrosive System, tu connais un petit peu le groupe, non? Oui. C'est une personne qu'on a déjà reçue aussi ici, qui était l'origine du groupe No More Back, Laurent Pereira, qui a monté ce groupe-là. Mm-hmm. Et il faut savoir qu'il était quand même dans les premiers parmi les candidats pour le Maverick Alive. Ils sont pas arrivés très loin, donc peut-être une autre année, les retrouverons-nous pour un Maverick Alive, peut-être le 13, le 14, et ainsi de suite. Quoi. Oui. En tout cas, voilà, un nouveau groupe qu'on connaissait pas encore il y a 6 mois et qui fait parler de lui, c'est bien. Donc au Track Bar à Tigy. Il y a la petite boutique, c'est Karen Chaminot et Fred Peset qui seront à La Baleine. La Baleine se situe à Châteauneuf-sur-Loire. C'est de la chanson française et folk. Voilà, c'est à partir de 20h donc. Très bien, et d'ailleurs elle viendra ici dans les studios, non elle est venue il y a quelque temps dans les studios, donc Karen Chaminot qui était venue avec... Théo, oui c'est ça, oui, je crois, oui. Voilà. Très bien. D'ailleurs, on a un petit message de notre ami Didier qui dit salut, hello les Mavericos, j'écoute la bise au Red Daff et à Dom. Voilà. En tout cas, on lui fait un gros bisou. On se doutait un petit peu qu'il nous écoutait. Ah oui, attends, j'avais coupé les autres micros. Vas-y, tu peux parler, Dom. Oui, voilà, c'est moi, Dom. Salut Didier. Mais un gros bisou et gros bisou à toi, Patricia aussi. Voilà. Voilà, on leur fait des gros bisous et puis je sais qu'il nous écoute, il n'a pas pu venir ce soir, mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous en tout cas. Voilà, et puis c'est quelqu'un que nous les Redaf, on apprécie beaucoup, comme tous ceux qui sont à Maverick de toute façon. Voilà, donc, on a aussi cet état d'esprit qui ressemble un petit peu à l'autre, et ce qui fait qu'on s'entend très bien en tout cas. Voilà. Et donc, au plaisir de te revoir, Didier. Ouais, de te voir bientôt, quoi, voilà. Le 7. Le 7, ah bah le 7 il avait... Ah bah super. Il a ses places, j'ai mes places super, aussi. Donc, super. Voilà. Génial. Le 7, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Alors nous avons également deux Ruiz qui seront au Club 15 à partir de 20h30 demain. Hein, c'est un prix de 5 euros l'entrée. Club 15, on en parle beaucoup hein, parce que toutes les semaines il y a quelque chose. Donc on fait un petit coucou à notre amie Fabienne qui s'occupe justement de la programmation de cet endroit. Et... on a l'occasion d'aller voir des bons groupes. Hein. C'est vrai que c'est un endroit où ça tourne. Hein. C'est bien. Il y a aussi donc Seven Weeks. C'est du rock stoner de Limoges. C'est un groupe de Limoges. Et Esprit d'Escalier qui seront à l'Astrolabe demain à partir de 20h30. Ouais, Esprit d'Escalier qui tourne pas mal. On le voit. La dernière fois, j'étais en train de regarder la télévision sur FR3. Et puis je vois des gens. Je dis, mais je les connais, c'est Esprit d'Escalier. Et donc il y avait Renaud qui était là. J'ai reconnu effectivement. Et après, on a écouté un petit peu les commentaires. Ils sont passés donc à la télé il n'y a pas très longtemps. Esprit d'Escalier, un groupe à suivre. Et demain, donc, il y a aussi il y a le groupe Missing qui sera donc au Croque-Bedaine, rue de Bourgogne, à partir de 20h30. Voilà, le groupe Missing qui est venu il n'y a pas très longtemps, qu'on suit, et qui fait aussi parmi, il faut le savoir, groupe Missing, dans les candidats pour le Maverick Alive, ils ont été premiers pendant un moment et ils ont été détrônés juste à la fin. Oui. C'est hallucinant. Ils ont été détrônés vraiment dans les derniers jours. Donc, cette fois-ci, ils n'ont pas été retenus, mais avec plaisir pour une prochaine, il n'y a pas de souci. Alors, je pense là que pour samedi, hein, on a pas mal de... On a un choix. Donc là, pour dimanche 1er mars, il y a nos amis de Barricade qui seront en acoustique à la Java Pop à partir de 20h30. D'accord. En plus, j'ai le CD là. Oui. CD de Barricade, c'est des potes à nous aussi. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup. Je vais remettre les micros parce qu'il y a des gens qui sont revenus, qui sont partis. Voilà. On remet tous les micros là. On est vraiment au complet. Donc là, dimanche Barricade. Qui ont participé à un Maverick Alive, le dernier Maverick Alive, ils étaient là. Ils sont excellents. Et puis, c'est des gens comme ça, on les a rencontrés une fois, deux fois, et puis voilà. Ils on a l'impression beaucoup, qu'on les connaît depuis longtemps. Ouais, on a le même. Ils ont surtout une parole à porter. Intéressante dans leurs paroles parce que c'est vraiment concept. Je sais que ça peut gêner certaines personnes. Ça peut gêner certains, mais moi j'adore. C'est bien à écouter. Moi c'est vraiment dans. Voilà, moi j'aime bien ce qu'ils disent. Des bonnes musiques, des bonnes choses. Et ça fait du bon rock. Ça fait du bon rock. Mais c'est vrai que ce genre de truc-là, il faut quand même savoir bien tourner les phrases, pour dire ce qu'il y a à dire, sans vexer personne. Je trouve que c'est très bien dit, c'est très bien interprété. Puis c'est des musiciens super bons. Et ils sont très sympas en plus. Très sympas, ouais. Et puis ils se disent punk, mais punk peut faire peur, hein. C'est pas forcément du bruit, hein, parce qu'on dit punk, voilà, on envoie les machins. Non, ils font de la musique, même qui est à la limite dansante dans certains morceaux. D'excellente super agréable, musique, c'est du rock and roll, c'est du vrai rock and roll. La musique est excellente également. Ouais. Ouais, ils sont bien, voilà, donc, à suivre. Nous passons au mardi 3 mars, une jam after work, c'est Samuel Archambault qui sera à la Java Pop à partir de 19h. Très bien. Et puis le jeudi 5 mars, donc là nous aurons Ro, c'est un groupe de reprises d'Orléans, et Octopub de Saran, à l'Octopub à Saran, pardon, à partir de 19h30. Voilà. Très bien, ok. Il y a également les Chaos Rules et plus Patente et Oaxis, je ne sais pas si je prononce bien là. Oui, je pense que c'est comme ça, ouais. Les Chaos Rules qui sont déjà venus ici aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ouais. Qui sont au Bouillon, hein, c'est un concert de métal à partir de 20h30. Oui, ça envoie du. Ouais, il y a une entrée à 12€. Hein. Mm-hmm. Voilà. Il y aura aussi les Pieds de Vent qui seront au Delirium. Ce jeudi 5 mars aussi. D'accord, un groupe que je connais pas, c'est la première fois que j'entends les pieds devant. C'est du rock brut, teinté d'humour noir. Oui, je vois les pieds devant, oui, déjà on imagine. ça veut presque tout dire. Voilà. Nous passons au vendredi 6 mars. Ça, c'est une des conditions pour les gens qui doivent prendre la retraite à un certain âge. Vous pouvez partir plus tôt si vous partez les pieds devant. Voilà, oui. Donc je passe au vendredi 6 mars. Donc il y a Electronisa qui seront en live à la demeure au Novotel. C'est de l'électropop, je vais y arriver, à 19h30. D'accord, électropop. Oui. D'accord. Il y a le groupe Sled. Ils nous font une répète en public. Donc c'est au Hendrix Music 41, c'est à Blois, à partir de 19h. Ouais, c'est un endroit, j'entends parler de plus en plus. Il y a même un groupe sur Facebook que j'ai rejoint dernièrement et j'apprends beaucoup de choses. Effectivement, je ne connaissais pas du tout. Et ça fait quelques semaines seulement que je m'aperçois que ça bouge de ce côté-là aussi. Il y aura également Le Réparateur et Brigitte Bop qui seront au Croque-Bedaine. À Orléans. D'accord. À partir de 20h. Brigitte Bob, ils étaient au. Oui, ils sont passés au Bout au des Villes il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière. Oui, la semaine dernière, c'est ça. Voilà. Voilà. Encore un groupe qu'on a reçu. Les Brigitte Bob. Alors, je m'arrête au vendredi 6 mars. Ouais. Comme l'a souhaité Didier, mais il faut savoir que le 7 mars, il y a plein de choses. D'accord. Ouais. Yes. Ah bah, on va enchaîner justement. Je pense que c'est l'occasion justement de parler. Alors que se passe-t-il le 7 mars? Se passe qu'une seule chose, je crois. Bah, de toute façon, il y a qu'une seule chose. Mais qu'est-ce qui se passe le 7 mars, Annabelle? Alors, on est tout oui. Oh oui, on voudrait savoir. Alors, le 7 mars, c'est magnifique parce qu'ils ont un tel succès que c'est complet. mais complet. C'est un truc de dingue. Le caisson, c'est un lieu magnifique avec une association magnifique. De dingue. Avec des dingues. Donc, que ça. Au caisson, il y a les ladies. Alors, est-ce que je vais bien prononcer? Attention. Ladies Ball Breaker. C'est ça. Lady Ball Breaker. Allez, donc, avec l'accent américain d'homme, vas-y. Lady Ball Breaker. Ladies Ball Breakers. Quoi, il est pas bon en anglais. Ouais, si, il est bien. Voilà. Et donc, voilà, c'est à partir de 20h. Mais c'est complet. C'est un groupe de tribute de AC/DC, mais par des jeunes femmes. Oui. Ils sont géniales. Ils sont passés il y a 2 ou 3 ans. C'est là que je les ai rencontrés au Blue Deville. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai forcé un petit peu la main pour qu'ils passent là-bas. Ouais, non, mais c'est parce qu'il faut les voir. Moi, je suis un fan d'AC/DC. Ça se voit un peu. Je suis très exigeant sur les tributes que l'on voit parce que j'en ai beaucoup qui me déçoivent. Et la première fois que je les ai vus, j'ai eu 5 nanas qui font de la CDC. Et franchement, j'étais bluffé. Ils ont la musique parce qu'ils jouent bien. Ils ont l'énergie et ils ont repris de la CDC, mais c'est pas du copiage, c'est pas des reprises. Faut voir sur scène. Elles amènent un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre chez la CDC, forcément. Ouais. Mais musicalement, c'est vraiment, à la hauteur, mais vraiment à la hauteur, quoi. Ouais. Mm-hmm. Et l'énergie sur scène, parce que ils viennent vous capter, ils viennent vous chercher, et moi je suis certain que le caisson va exploser, les murs vont tomber, les tuiles vont dépoter du toit, ça va être. Ouais, on va peut-être se calmer un peu, parce qu'une voiture. Mais vous partez pas tout de suite, il faudra remonter les tuiles. Un ingé son qui va tenir les manettes vers le bas. C'est sûr. Voilà, donc, et on avait discuté avec Joël Dubreuil qui les avait sonorisés, et s'est occupé pendant un certain temps du son au Blue Devil. Oui, et il nous avait dit, franchement, moi j'en ai reçu des groupes, tout ça, mais elle, il faut aller les voir. D'ailleurs, il sera là aussi, normalement, il a aussi son billet, donc on va se retrouver. Cool. Voilà. On n'a pas vu notre Joël. Moi je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Mais ça fait toujours plaisir de. Oui. Alors, je vais me permettre d'ajouter, puisque le caisson, c'est complet, donc c'est un succès magnifique, on va le redire. Je vais me permettre d'ajouter que nos amis de West seront en concert le samedi 7 mars, à partir de 20h30, à Saint-Y, à la salle François Villon. D'accord. Voilà. À Saint-Y, parce que souvent c'est plutôt de l'autre côté d'Orléans qui joue, et là ils viennent à Saint-Y. Alors le groupe Ouest, moi j'ai entendu dire énormément de bien de ce groupe-là. J'ai pas encore eu l'occasion de les voir, mais avec plaisir, j'aimerais bien un jour les voir aussi. Que ce soit ça sera pas cette fois-ci. Targi, Nevers, je les ai vus un peu partout là. Mais apparemment ils sont fabuleux. Oui. Tout le monde m'a dit beaucoup de bien. Et puis pourquoi ne pas les recevoir un jour aussi dans l'émission Mavrika. Voilà, ils font tout à fait partie. C'est vrai qu'il y a des groupes comme ça qu'on suit, qu'on connaît depuis un moment, mais on n'a pas encore eu le petit truc qui a fait que on s'est rencontrés. Mais bon, ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est à l'affût de tout ce qui se passe. Bien voilà. Alors, je pense que j'ai été complète. Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est que le 7 mars, on a un groupe de copains aussi qui fait la première partie. C'est ce que j'allais dire. Et je savais qu'on allait y revenir. Qui s'appellent les Full Tank. Parce que les premières parties d'un grand groupe comme ça qui passe après, c'est pas facile. Nous, on a du mal. C'est jamais super évident. C'est jamais super évident. Donc, puis c'est très bien qu'on ait les premières parties. C'est un très bon groupe. Et en plus, tu connais aussi les Full Tank. Les Full Tank. Ce que je voulais dire aussi, les Full Tank, on les connaît parce qu'on les a rencontrés. Ils sont jamais venus dans l'émission. Parce que ça s'est pas fait, parce qu'il y a eu un changement de chanteuse. Oui, donc là, ils on va essayer de avec la nouvelle partir, chanteuse, on va essayer de les inviter. Valérie devait partir, donc ça s'est pas fait. Par contre, ils sont venus au Mavrika Live. J'ai participé au précédent Mavrika Live, et on a vu un des derniers concerts de Valérie. Ouais. Donc elle a quitté le groupe parce qu'elle déménage et elle s'en va loin. Voilà, elle est partie. Et là, maintenant, il y a une nouvelle chanteuse que je ne connais pas encore, mais apparemment, tout le monde m'a dit beaucoup de bien parce que pour remplacer Valérie, à mon avis, il faut quand même être super fort. Mais tout le monde m'a dit effectivement, c'est pas pareil, mais il y a une très bonne chanteuse. Ils ont vraiment ça a l'air de. Enfin, chaque personne a sa personnalité sur le bon fonctionnement du truc. Et puis après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les artistes qui font partie du groupe sont des gens très bien aussi. Je les connais depuis très peu de temps et finalement je suis content de les retrouver là, tu vois. C'est clair. Alors attention parce que sur cette, excuse-moi Annabelle, mais sur cette date du 7 mars au Caisson, On va innover un peu là sur ce coup-là. Alors, désolé, mais il n'y a plus de place pour les retardataires. Mais en marge des deux concerts, on aura une exposition photo. Oui. D'un petit photographe. Un petit barbu, sans trop de cheveux sur la tête là. Fan d'ACDC apparemment. Fan d'ACDC, ouais, qui porte bien sur son suite et qui nous fait tout le temps des belles photos. Des photos super extraordinaires. Extraordinaires. Ouais. Ah, ouais. Donc il viendra exposer une partie de son travail parce que la scène n'est pas non plus super grande. Et il y aura aussi, par contre, en extérieur. Alors c'est un pote qui est venu à la Brock'n'Roll, mais ça c'est pareil, la Brock'n'Roll, on aura occasion d'en reparler parce que tout est déjà ficelé. On n'a jamais été autant en avance que ça. Bah, tant mieux, c'est que ça se goupille. Donc c'est Pins Vintage, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fait les super. Il fait des plaques métalliques, un peu rétro et tout. Rétro, rock'n'roll, maillé, tout, c'est vraiment. Et il nous a fait faire des plaques à chacun d'une photo qu'on avait de nous. Et franchement, ça a vraiment de la D'accord. gueule. Moi qui aime pas le boire en photo. Donc c'est sur des plaques émaillées. C'est pas les plaques émaillées, c'est enfin style plaque émaillée à l'ancienne, quoi. Sauf que bon, c'est de la plaque métal et impression dessus, c'est vraiment super chouette. Ouais, c'est joli. Ah, ça c'est un truc super intéressant. Ça fait partie des idées qu'on avait depuis le début de la création du caisson, de vouloir faire des. Je ne vais pas dire des expos-concerts, mais d'apporter des fois une petite touche en plus du concert. Mmh. Et là, ça s'est fait naturellement, quoi, en discutant, machin et tout. D'homme, on le connaît depuis maintenant quelques temps. Donc ça se fait la semaine prochaine. On est super content de le faire la semaine prochaine. Ouais, mais c'est super parce que là on se rejoint encore une fois avec les expos de concerts Maverick Alive où on a toujours eu l'habitude d'avoir des exposants. C'est ça. Donc cette fois-ci c'est le cas aussi. Et d'ailleurs Dom est déjà venu. Et puis y a aussi une personne que je voulais saluer parce que ça m'a fait plaisir. On a été à un autre photographe que tu connais, c'est Michel Piedalu. Ah bien sûr, très grand ami. Ouais. Qui a fait des très bons photographes. Très bon photographe un passionné de jazz et de rock and roll et voilà il est dans tous les concerts. J'étais à son exposition, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Chessy. Malheureusement j'ai pas pu. Ça se termine aujourd'hui donc si vous n'avez pas été. Et là on a regardé tous ces trucs et on a reconnu énormément de gens parce que nous on connaît pas mal de gens. Il y a des gens connus, des gens un peu moins connus que nous on connaît parce que très blond cliché, il a pareil, il a l'œil aussi pour les émotions et tout. J'adore le boulot qu'il fait et on est très amis. Je l'ai retrouvé au Casserole aussi lors d'un concert. Il suit tous les événements et donc j'ai eu l'occasion d'aller là-bas et j'étais un peu surpris parce que il était pas là ce jour-là malheureusement. Bon, on a quand même été jusque là-bas avec plusieurs amis, on a été voir les trucs, on a parlé un peu de ce qu'on voyait, on a reconnu pas mal d'artistes qu'on connaissait bien et tout ça. D'autres qui étaient un petit peu moins connus, d'autres c'est des grands artistes de jazz, mais on est peut-être à la connaissance du jazz. Moi personnellement, c'est pas vraiment ma culture, même si je l'apprécie. Hein. Voilà, c'est pas mon truc, mais j'apprécie, j'aime bien entendre, mais je connais pas tous les artistes. Mais par contre, il y avait aussi quelques artistes locaux. Il y avait Anita Farmin, il y avait Georgia du groupe. Kind of Color et Zinia que j'ai reçu aussi ici. Voilà, ces artistes-là, ils étaient là-bas. Au moment de signer le livre d'or, parce qu'il y a un livre d'or, donc on laisse un petit message pour dire voilà, on est passé, on est content, on a vu telle chose, on a partagé la même passion pour l'image et la musique. Hein, je crois que c'est quelque chose qui nous réunit tous. Et puis là, j'ai vu, il y avait un tableau de remerciement où il nous remercie aussi d'avoir participé à Maverick Alive. Et moi, je dis voilà, nous on fait ça, on a quelqu'un qu'on a reçu, on a bien accroché avec lui, et puis aujourd'hui, on est très content de voir qu'il y a un petit retour. Et c'est pour ça qu'il a insisté pour qu'on y aille, c'est que en même temps, on fait partie des gens qui comptent aussi pour lui. Voilà, c'est un peu plus de cheveux que moi, c'est pour ça que je lui en veux un peu quand même. On en connaît beaucoup d'autres photographes, on peut en citer. Moi j'en ai un autre aussi, excuse-moi Dom, mais j'en ai un autre aussi qui est en face de moi, et en général tu le dis pas toi Albino, mais c'est pareil, tu fais quand même de sacrées belles photos. C'est vrai que c'est pas ma priorité. Alors il y en a certaines qui sont dans mes placards, il y en a certaines que je vais sortir, des inédites qui peuvent dater de plusieurs années, parce que j'ai pas toujours le temps de m'occuper de tous ces trucs là, mais je les ai, et un jour peut-être un recueil ou un truc comme mais ça. Ouais. Et après, bon, vous inquiétez pas. Il y a d'autres photographes aussi qui sont beaucoup plus rapides. Dom Rousseau, lui, il fait les photos, le lendemain, ils y sont. Ouais, alors que moi, c'est pas ma priorité et je ne sais pas travailler une photo tout de suite. Moi, il faut que la photo que j'ai prise, que j'oublie un petit peu où j'étais pour pouvoir revoir la photo telle qu'elle est. Voilà, ce que j'ai réussi à prendre, il est là, et je vais travailler ce truc-là. Je vais essayer de plus me souvenir de... Voilà. Alors que toi, non, c'est... Toi, c'est assez rapide. Voilà. Moi, je travaille, je suis encore dans le concert. Ouais. Ça m'arrive souvent de rentrer à 2h du matin du concert et jusqu'à 5h, 6h du matin. Ouais. Voilà. Et après, tranquille, sinon je peux pas. T'as fait ton taf. Ah ouais, moi je vois des fois on est en concert ensemble et puis j'arrive, je suis fatigué, je dors et je me réveille le matin, les photos sont déjà là. Je dis mais il a pas dormi. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Une bouteille de whisky. C'est dingue. Ah ben je comprends pourquoi tu veux pas dormir. C'est pour ça qu'il peut tout dormir aussi d'ailleurs. Mais nous ça nous arrive, on n'a pas de photos. On a que le whisky. Oui. Je voulais simplement rajouter parce que pour les photos que je vais exposer le 7 mars. Je voulais coller aussi dans l'esprit du caisson. Donc, contrairement à ce que je fais d'habitude, ça va être essentiellement soit des têtes d'affiche qui sont passées au caisson, soit des groupes locaux qu'on a pu voir. Voilà, c'est quasiment que des gens qu'on va connaître. Cool, finalement. Cool, ouais. C'est vraiment pour rester dans l'esprit. Ça rappelle des bons moments. Plutôt que de faire voir des gens qui sont des têtes d'affiche que tout le monde connaît. Donc ça fait plaisir, c'est bien de faire des têtes d'affiche aussi. Mais là, ça. Voilà, oui, c'est bien. On va revoir des groupes dans des groupes locaux, donc des têtes qu'on connaît. Il y a un petit message que Didier nous a envoyé aussi. Donc Full Tank, il fera la première partie donc des Lady Balls Breaker. Ouais. Et il sera aussi chez nos amis les Je m'en balèque. Voilà, aussi un endroit aussi, qu'on aime bien. C'est un endroit aussi qui est. C'est très, vrai. Très moi, sympa, j'y vais là-bas. Tout de suite, je me suis senti bien. C'est un endroit que j'aime bien. Les gens sont sympas. Ils sont là. Ils ont la même passion pour le rock. Ouais. Et donc les Full Tank seront chez les Je m'en balèque le 14 mars. Voilà. Bah, je vais essayer d'y aller aussi, tiens. Voilà. Comme quoi, c'est bon à savoir. Donc la semaine d'après, ils rejouent encore. Ouais. Hein. Donc les gens qui n'ont pas pu les voir à Talcy pourront les voir. Donc c'est où? C'est Saran? C'est quoi? C'est à Ingres. Ingres, ouais, c'est Ingres. Dans la zone industrielle. Ouais, c'est un peu le limite, un peu. Très bien, donc c'est bien de le dire. Et je voulais quand même aussi parler d'une personne, parler de plusieurs photographes. Il y en a un qui m'est revenu et j'ai envie de parler de lui. C'est Didier Davenel. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le connaître. Non, je ne connais pas. Il nous a suivis sur tous les Maverick Alive depuis quelques années et tout ça. Et malheureusement, on avait. C'est une personne que nous avons perdue il y a quelques temps. Il était au Maverick Alive, il a fait les photos. On a passé des bons moments ensemble. Le dimanche, il a posté les photos et on ne l'a jamais revu. Il est parti à ce moment-là. Et on lui a déjà attribué un Maverick Alive. On a dit, voilà, un Maverick Alive, on pense à lui, c'est le sien. Mais je pense qu'on pensera à tous les Maverick Alive qui viendront. Et d'ailleurs, on va parler de Maverick Alive. Hein. Bah, évidemment, c'est bientôt. Parce que c'est le 4 avril, donc encore un mois, un mois et quelques. Le 4 avril, il y aura le groupe Melody Road. Melody Road qu'on a écouté en début d'émission. Je sais pas si vous les connaissez, non? Pas du tout. Ce sera l'occasion peut-être de les découvrir. J'espère. Donc il y a deux chanteuses avec des voix excellentes. Et, alors j'en connaissais une et là il y a la deuxième qui est venue, qui devait la remplacer finalement. La première n'est pas partie. Il y a deux chanteuses, mais alors deux voix complémentaires et des voix. J'ai écouté tout à l'heure au début de l'émission la chanson qu'on a écoutée qui s'appelait Freedom. Moi franchement j'ai écouté ça et je l'ai eu un jour ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel en direct. C'est vraiment une voix fabuleuse et des musiciens super carrés. Donc Melody Road fera l'ouverture du Maverick Alive numéro 12. Juste après il y aura un groupe qui s'appelle Custom. Vous connaissez Custom? Non plus. Je les connais pas non plus. Ils devaient venir dans l'émission, ça s'est jamais fait. Et puis finalement ils vont aller directement au Maverick Alive parce que c'est eux qui sont arrivés les premiers. Il faut le savoir, c'est eux que le public a voté. Alors ils ont peut-être beaucoup d'amis, mais en attendant qui ont voté, on espère les retrouver donc au Maverick Alive, c'est important. Le troisième groupe, c'est le groupe Yeti. Ils sont passés chez vous. Et je lance un petit appel d'ailleurs, les Yeti, vous avez toujours un support de guitare chez nous. Hein. Voilà, on le récupérera donc le 7 mars et on leur donnera parce qu'on va les voir après. Ouais, ouais. Donc on peut faire de cette manière. Mais s'ils veulent l'emmener aussi nous. Mais s'ils veulent s'ils veulent se déplacer, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Nous, on ira, ça fera occasion déjà d'aller voir les potes de Maverick Alive. Ouais. Bah. Et puis de revoir tout ce beau petit monde. On peut faire ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Et après, il y a aussi quelqu'un, d'autres personnes qu'on aime bien. Beaucoup. Qu'on aime beaucoup et que j'ai rencontré chez vous. Et je les avais vus, c'était au Broken Roll, c'était pas cette année, c'était l'année dernière. L'année dernière, oui. Et on avait discuté un peu et puis ça s'est jamais fait. Et puis l'année dernière, justement, au mois de septembre, c'est ça? C'était septembre. Mi-septembre. Doudou est revenu me voir en me disant j'ai le CD, je te donne le CD et on aimerait bien passer dans notre émission. Je dis ouais, il y a tellement de gens, on va marquer une date. Et ils sont passés il y a quelques temps, donc c'est avec eux qu'on a commencé l'année 2020, il faut quand même le savoir. Ouais. Et on a adoré. Voilà, franchement, on s'est dit. Ils sont frais. Ouais, moi très j'ai. Cool, c'est cool. Et non, mais ouais, voilà, c'est adorable. Et ils sont. Moi, j'ai trouvé super agréable, super attachant. Moi, j'ai trouvé super attachant. Et on s'est dit, bon, on va faire jouer trois groupes. Et pourquoi on ne ferait pas un groupe en interscène? Pourquoi un groupe? Ouais, un groupe qui ne jouerait pas sur la grande scène, mais qui jouerait à côté du bar pendant que les gens. Voilà, pendant qu'il y a le changement de scène, tout ça. J'ai dit, ouais, ben, on va regarder parmi ceux qui ont été élus par le public, ceux qui pourraient faire l'affaire. Donc, on ne va pas mettre quelqu'un de. Un groupe de 8 personnes, ce n'est pas possible. Ouais, mais on avait vu, on dit un duo, voire trio, les Douks. Ça serait bien. Hop, ok, on les a contactés. Donc tous les groupes sont confirmés, hein, c'est vraiment sûr. Mm-hmm. Melody Road, Custom, Yeti et les Doux en interplateau. Donc il y en aura pour tous les goûts et ça va super, être super bien. Super chouette. Voilà. C'est chouette, hein. Et il y aura aussi plein d'exposants. J'ai pas la liste là, mais on en reparlera d'ici là. Ouais. De toute façon, on a encore le temps. De mémoire, il y aura des imprimantes 3D, il y aura la sculpture sur CD, il y aura des peintres, il y aura. Je crois qu'il n'y a pas de photographes cette fois-ci. Ils seront dans la salle, mais il n'y a pas d'exposants photographes. Mais bon, ça peut s'arranger. Médiator. Non, mais le médiator de. Je le sens arriver là. Je le sens de arriver. Dominique Duval aussi, qui, que vous connaissez aussi, puisqu'il était aussi. Il était aussi à la Broc l'année dernière, lui. Ouais. Ils sont déjà venus à deux Maverick Alive, ils ont été aussi chez vous, donc voilà. Et puis c'est bien comme ça, justement. Il y a des gens qu'on découvre chez vous, des gens que vous découvrez chez nous, et puis voilà. Ça permet un petit peu de faire marcher. La musique, c'est ça, c'est le partage. C'est ça. Donc, le Maverick Alive numéro 12, alors là, on a voulu faire un petit truc. On s'est dit, on va faire quelque chose de différent. Alors, l'entrée est gratuite pour les adhérents. Alors, l'adhésion, c'est 10 euros. L'entrée, elle est 8 euros. Vous donnez 2 euros de plus et vous venez à tous les Maverick Alive gratuitement. Ah, c'est donc, voilà. Ça. Pourquoi? Parce que, on s'est dit, à la limite, on s'en fout de faire payer les adhérents. L'important, c'est qu'il y ait des adhérents qui nous suivent. Comme ça, on peut dire, voilà, on a pas plein de gens qui nous suivent. Et après, ils rentrent gratuitement. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour faire un bon moment qu'on partage ensemble. Donc, le but, il est là. Et on s'est dit, bon, quitte à les faire payer, ils seront adhérents et puis ça nous fait plaisir. Voilà. Ça, ils rentrent dans la famille et le truc, il est là. Et c'est à partir de 18h30, puisqu'il y a quand même un village d'exposants. C'est dans la grande salle de l'espace Bérère à la Chapelle Saint-Émain. Et donc, c'est le samedi 4 avril 2020, donc dans un petit mois. Donc, réservez cette date-là, c'est important. Pour nous, c'est important et on serait content de recevoir plein de gens. On a une grande salle, il faut la remplir. Remplir la salle surtout, parce que faut venir au concert. Voilà, on a une grande salle en zone. Bougez-vous, les gens, bordel. Arrêtez de regarder Koh Lanta et toutes ces conneries. La con là qui me pourrisse le cerveau. Non, bordel. Mais on se donne beaucoup de mal. Alors qu'il y ait 100 personnes ou qu'il y en ait 500, pour nous c'est pareil, c'est le même travail. Par contre, effectivement, on est plus content quand il y a 500 personnes. Quand il y a 500 personnes. Voilà. Et on peut recevoir 500 personnes. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Très bien, donc le rendez-vous est pris et puis on va revenir donc au Red DAF. Ouais. D'autres choses à rajouter? Non, j'allais dire, j'aimerais bien savoir quels sont leurs futurs concerts. On arrête de jouer. Parler des projets parce que je sais qu'il y a des concerts. J'ai déjà partagé des trucs dans l'agenda de Maverica. Je sais qu'il y a des concerts. Il y a l'enregistrement donc qui est en préparation. On a commencé à voir. Vous avez sélectionné déjà tous les morceaux, non aussi? On doit être quasiment sur la totalité. Oui, je pense que ça doit faire. On doit en avoir 10. Sinon, on foutra un titre de l'album d'avant. On va remettre. On mettra 3 fois le même. On mettra 2 fois le même. On mettra le live que tu as passé tout à l'heure. C'est 2 fois le même. Non, sérieusement, on a normalement les 10 morceaux qui sont. 10, tout n'est pas finalisé dans les morceaux, mais on a, si tu veux, les grandes lignes, les grandes idées, tout est là, quoi. D'accord. Voilà. Donc plus qu'à mettre ça dans un saladier, touiller un peu, et puis ça sortira un truc, j'espère, qui sera pas mauvais, quoi. Patron, quand même, hein. Si nous en manque une, on fera une reprise de Maurice Chevalier, comme, là, on paiera plus de droits d'auteur, on en sait trop loin. Ouais. Voilà. On prendra Maurice Chevalier. Je crois qu'il n'est pas d'accord. Vraiment. Non, il n'a pas l'air d'être d'accord. Je ne le connais pas, lui, ce mec-là. Maurice Chevalier, voilà. Je crois que c'est la première fois Chevalier de Las Palais. C'est pas le même. Ah, merde. Non, mais on devrait avoir peut-être 11, 12 morceaux, bon, 10. Je suis sûr que tu connais. 10, c'est sûr. Tu connais des trucs de Maurice Chevalier. C'est sûr. Ah oui, ma pomme, c'est moi. Voilà. C'est pas moi. Les pommes, il est là. Très bien, on continue à écouter. Et après, on parle des projets, justement. Ouais, on a commencé à dire les choses. On écoute un petit morceau, parce que ça fait un petit moment qu'on papote. Et puis après, on parle donc les projets et les concerts. On va attaquer les concerts. On fait ça comme ça. Ça marche. Donc le morceau qui suit, c'est La Toile. La toile. On l'écoute. On y va. We'll be right back. Quelle pêche ce morceau, dis donc. C'est vrai que c'est un morceau, c'est peut-être pas celui qu'on a placé le plus, mais là, je l'ai presque redécouvert. Là. Ouais, il a une sacrée, sacrée pêche. Donc, La Toile, le groupe Red Daff. Voilà, c'est une chanson sur Internet. Bon, La Toile, quoi. Ouais, sur La Toile, ouais. Ouais. Et puis, qui en dit pas mal, quoi, là-dessus, quoi. Voilà, mm-hmm. Les difficultés de La Toile, et voilà, et... Enfin pour de l'araignée pour faire sa toile. Voilà, ouais, les... C'est une histoire sur Internet. Voilà, sur Internet. Ouais. Voilà, je pense que là au début on se posait beaucoup de questions avec Internet tout ça. Aujourd'hui on est vraiment dans l'ère d'Internet. Non, on peut plus rien faire sans ça. Carrément, on peut rien faire. Et puis je crois que même maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que tout passe par Internet et on a encore oublié qu'il y a des gens. Non, mais il y a des gens qui sont âgés. Parce qu'on vit de plus en plus longtemps, ouais. Et il y a des gens qui ont 80 ans, 75, 80, 85, 90, et on leur demande, ne serait-ce que sur des problèmes administratifs, il faut passer par Internet. Ouais, comment voulez-vous qu'ils fassent C'est compliqué. Hein. Moi, j'ai vu plusieurs choses comme ça. Hein. Moi, j'ai été confronté à plusieurs problèmes, justement. Alors, c'est-à-dire que, simplement, faire une carte grise. Voilà, on fait une carte grise. Si ça passe, ça passe. S'il y a le moindre problème, on fait comment? On fait comment? On fait comment? On est obligé de passer par des gens qui... Voilà, parce qu'on a un blocage, hein, petit souci sur un numéro, un truc comme ça. On n'a plus d'interlocuteur. Pour d'autres choses... Hein, on n'a pas ce problème-là dans le rock, hein. Ah non, voilà, franchement. Voilà. Et moi je sais, je connais plein de gens qui sont des petits jeunes comme moi. Voilà, ils savent pas se servir d'Internet, mais ils savent ce que c'est que le rock. Exactement. Voilà. D'accord. Ah oui. Mais c'est beaucoup mieux. Ils communiquent mieux par le rock que par Internet. Mais des fois, c'est pas plus mal. Voilà. Et je pense vraiment que c'est pas plus mal. Mais c'est que des petits jeunes, hein. Oui, on est entièrement d'accord, Dominique. Hein. Entre Dominique, on est d'accord. De Dominique, de la même génération, on est d'accord. C'est un peu une conversation que j'ai eue avec des jeunes qui sont nés avec Internet. Hein. Ils ont évolué avec ça. Et puis ils disaient, mais comment faisiez avant pour vous retrouver? Ah, bah c'est. Parce que nous, aujourd'hui, on se donne un rendez-vous et puis on se retrouve. Oui. Mais avant, comment on faisait? Je dis, c'était simple, on avait des endroits où on avait l'habitude d'aller et on y allait. Voilà. On y allait et après on trouvait du monde, on ne trouvait pas. Notre génération, on avait les signaux de fumée. Et le tam-tam. C'est vrai que les nouvelles technologies ont amené beaucoup de choses, mais quelque part, il y a des portes qui se sont fermées aussi, des choses simples. Plus on veut nous rapprocher. Et plus on nous éloigne. Et plus on nous éloigne. Moi, j'ai vu aussi des gens. Là, on est tous ensemble, on discute ensemble. Il y a des gens, des fois, qui sont tous ensemble. Ils sont chacun avec leur téléphone. Et je me dis, mais ils sont chacun dans un univers différent. À la limite, ils pourraient. Même dans les concerts, on le voit. J'ai trouvé vachement bien. C'est le concert de Madonna, là. À l'entrée, tu mets ton portable dans un sac plastique et barca. Aucun portable pendant le concert. J'ai vu un autre artiste qui fait ça. C'est un humoriste, c'est Laurent Gérard qui fait ça. Ouais. À l'entrée de ces des spectacles, il balance le téléphone dans la poubelle. Là, on a reçu une petite image de un petit bonjour d'Égypte, les amis. D'Égypte, Antoine. C'est Antoine. Une momie. Ouais, il est de profil en tout cas. Il nous a sorti cette position-là depuis. Ça fait 15 jours qu'il fait ça. Il est resté figé là. Hein. Je crois bien. D'accord. Ça se trouve, on va retrouver dans quelques temps une représentation gravée sur la pierre de notre ami Antoine. Donc, imagine le gars, c'est le nouveau pharaon. Quoi. Ça se trouve, il nous a écrit une chanson, mais sur un morceau de pierre, ça va être lourd pour Fabrice. Hein, J'aimerais pas être chanteur. Voilà, en tout cas, ça nous fait bien plaisir. Et c'est vrai que moi, j'avais contacté au début de la semaine pour dire toujours OK pour l'émission. Je dis mais moi, je serai pas là. Moi, je suis en Égypte. Ah bon, OK, d'accord. Bon. Moi, j'ai un peu peur qu'avec son voyage, on reprenne Alexandrie. Alexandre, je te rassure, Pomme, ça craint rien. Ça craint. Pourquoi pas après? Pourquoi pas? Pour rigoler. Ça part d'un délire et un jour. Ça peut partir en délire. Et Fab, il va revenir Yellow Submarine. Ouais, donc Fab, lui, il prenait les photos justement avec le autocollant un peu partout. Donc, voilà, il y avait une bonne bière. Je vois bien sur le nez cassé du sphinx, un gros autocollant. Mais ça tient moins bien sur la bière. Faut déjà y aller là-haut. Hein. Il faut y mettre de la bonne volonté. Hein. Ça me rappelle aussi, il y a quelques années, on avait lancé le truc avec le panneau Mavrica qu'on avait imprimé, qu'on avait filmé, et on avait donné à plein de personnes. Et on a ce panneau Mavrica, les gens qui posaient avec le panneau Mavrica à Rio, à plein d'endroits comme ça. Donc j'ai trouvé ça formidable. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on relance au Canada. Mais c'est une bonne idée. Là, je sais que nous, on est tous partis en vacances à droite à gauche. et on a tous, enfin on emmène tous des autocollants. Et alors moi j'adore la montagne, donc je colle mon autocollant sur les panneaux en haut du Mont Blanc. Pas encore, je suis désolé. À la fonte des neiges, je retrouve ça. Il n'y a pas de panneau là-haut. C'est pour ça que je ne peux pas le coller. Non, mais cet été, par exemple, on a été au Mont Ventoux et en haut du Mont Ventoux, tu sais, tu as le panneau et ouais. On colle l'autocollant Red Dave, quoi. Moi, ça m'a coûté cher d'aller là-bas. Oh, voilà, un turbo. Ouais. Mais là, il y a 3 semaines, j'étais à la montagne. Le col, claque, je mets un autocollant Red Dave. Sur les sièges, on met un autocollant Red Dave. Ouais, ouais, voilà. Ça fait une photo. Ils vont se poser des questions. C'est bien de les faire réfléchir. Très bien, moi je me souviens, j'avais été à New York aussi, et puis en haut de l'Empire State Building, j'avais posé avec le. Ah, c'est bon ça. Il y avait de la neige qui nous tombait dessus, et puis la photo, il y avait du vent, pas possible, on a pris la photo avec New York derrière, quoi, c'est formidable. C'est cool ça. Ouais. Non, c'est vrai que ça, après ça reste, c'est des souvenirs, c'est des bons souvenirs. Ah oui. Voilà, donc on va peut-être relancer le truc, et puis refaire des panneaux qu'on va distribuer. Ou alors tu pourrais faire un petit concours. Ouais, un petit concours américain. Vous voyagez, une photo, un lien où on peut avoir le truc en feuille A4, par exemple. Une photo avec que tout le monde peut imprimer. Et puis avec le panneau américain, et voilà. Tac, tu fais gagner un petit truc pour la forme. Ouais. Et puis voilà. Et on peut faire le tour du monde comme ça, ce serait bien. Bah, ce serait sympa. Tu fais un super album après. Ouais. En tout cas, mon panneau à moi. Eh ben, attends, toi, tu pourras faire une photo à Pithiviers ? Non, il est parti dans les chutes du Niagara. Ah, c'est beau. C'est émouvant, c'est émouvant quand même. Ouais, mais bon, la pollution, quoi. Bon, voilà. On remarque que t'aurais pu laisser le panneau puis tomber toi dans les chutes, mais bon. On va vous laisser ? Ok, donc voilà, pourquoi ne pas lancer ça, tiens, et puis après faire un petit album ou un truc comme ça. Ça me fait penser aussi à une chose. Alors, pour le Maverick Alive, on a décidé de donner des cadeaux. Donc, il y aura des tickets à l'entrée, que vous allez, à chaque entrée, il y aura un ticket d'attribué. Vous les gardez, vous le mettez dans votre poche et on va tirer au sort. Il y aura des petits cadeaux tout au long de la soirée. Donc, on va vous donner plein de choses. On a plein de petits, c'est pas des gros cadeaux, mais c'est plein de petites choses qu'on a et qu'on a à nous et qu'on y tient, mais on les a en double, en triple, en quadruple, et on va les distribuer. Donc il y aura des CD, des autocollants, des choses comme ça. Donc voilà, on va tirer au sort et puis on en a une multitude, donc on va donner. Je crois que pratiquement tout le monde va gagner quelque chose, quoi. Ah, si on se débrouille bien, voilà. C'est cool. On a pas mal de choses comme ça. On a des cartons parce que les artistes, ils viennent des fois, ils nous donnent 10 CD et on les fait gagner ou d'une manière ou d'une autre. Et là, on se dit tiens, on va les distribuer. Nous, on en garde toujours un pour nous, hein, pour pouvoir diffuser. Et après, on va en donner aussi. Aux gens qui sont intéressés. Voilà. Au lieu de les garder, c'est vrai qu'on y tient, on veut les donner à des gens qui le méritent. Quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça. Très bien. Voilà, donc on a décidé de faire ça. C'est un petit. Ah, un ton petit bon cœur te tuera. Oh, tu sais, moi, je suis dans le partage, je suis comme ça. Voilà. Oui, mais on te connaît. Des on fois. Connaît. En étant comme ça, ben c'est sûr que des fois on partage des bonnes choses. C'est pour ça qu'on retourne, on des claques aussi. C'est pour ça qu'on t'aime. Ah, il y a des fois, il y a des gens qui t'aiment derrière. Oui. Moi, ce que je regarde, c'est le côté positif. Après, on peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. L'émission avance très vite. Il nous reste plus que 6 minutes. On n'a pas passé tout l'album, mais c'est hallucinant. Le temps, je l'ai pas vu passer du tout. Mais c'est pas grave parce qu'après, on va faire les photos. Et pendant ce temps-là, on va continuer à diffuser un peu de musique. On va dire au revoir avant, mais on va diffuser un petit peu de musique et il y aura le reste de vos morceaux. T'as les clés ou pas du studio, là? Y a pas besoin des clés pour sortir, il y a pas de problème. Non, bon, c'est pour rentrer qu'il faut des clés. Je propose qu'on écoute le nouveau morceau, hein. Alors là, c'est Red Daft 2. Il y avait 16 tout à l'heure. C'est comme les Chanel, hein. C'est un peu la même chose. Voilà, c'est... Donc celui-là, c'est vraiment la version studio, normalement. D'accord, on écoute et puis on vérifie. Vas-y. On vérifie et puis on en parle juste après. C'est parti. C'est pour sûr. Une exclusivité mondiale. Attention. Mondiale. Universelle, je dirais même. Voilà. Ouais. Même les petits bonhommes verts vont être surpris. C'est parti. un double mal encaissé. Le cerveau déglingué, le geste mal assuré, envie de te jeter. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer, c'est toi, dans mes bons jours. Donc c'était bien la version studio, voilà, ouais. Le nouveau morceau qui fera partie du prochain album. Oui, voilà. On a parlé du prochain album, on va parler aussi des dates de concert, parce qu'il y a pas mal de choses. Alors déjà, les dates de concert du groupe et les dates de concert de l'asso. Ouais. Voilà, Red Daff, c'est alors, un groupe et une asso derrière. Ouais, c'est sûr, enfin, Red Daff, c'est un groupe, ok, d'accord, mais c'est aussi une asso, une belle asso. On est une petite vingtaine de membres. Tous très très très très actifs. Mmh. Franchement, alors certains. Sauf un, sauf un. Il y en a quand même, il faut le dire. Il y en a un qui est. Qui c'est la pomme? Non, on va pas le citer, mais il y en a un. Hein. Ah mais moi non. Mais moi on m'a dit tu seras superviseur, donc je supervise. Moi. Voilà. Non, non, c'était histoire de mettre un peu le bazar. Chacun va se regarder. Bah, et dire, c'est moi, c'est moi. Bon, bah, on va régler ça tout à l'heure. Non, t'as gagné, ça va être le bazar. Non, non, mais tu vois, c'est vraiment un. Pour ça, il faut qu'on prenne vraiment un petit peu de temps pour parler de l'asso, parce que c'est vraiment quelque chose de, déjà pour nous, très important, parce que sans eux, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Aussi bien sur certains concerts où nous, on va, aussi parce que j'entends par là, il y a des fois, toi, nous, on ne fait pas de Stade de France, donc des fois, remplir un bar... Pas encore. Non, ouais. J'aurais pas assez de PQ, moi, c'est sûr. Non, mais toi, il y a des fois, pour remplir un bar, quand t'as des gens de l'asso qui sont là pour venir te voir et passer un bon moment avec toi, ça fait franchement chaud au cœur. Mm-hmm. Et des fois, il n'y a pas besoin, mais quand ils sont là, ça fait toujours chaud au cœur. Et en plus de ça, pour faire tourner le caisson ou notre Broken'Roll qu'on fait, qu'on organise tous les ans, eh ben, franchement, faut du monde et il y en a jamais un qui traîne la patte ou quoi au okay, casse. C'est toujours, alors c'est comme dans une association, des fois, il y a des hauts, il y a des bas et tout ça, mais on reste des humains. Il y a souvent plus de hauts que de bas. Mais franchement, c'est, C'est une super, pour nous, c'est une super expérience, quoi. C'est super important d'avoir tout ce monde-là. Et ça, vraiment, c'est la famille aussi, quoi. C'est, mmh. c'est vraiment la famille proche, quoi. Ouais, vous avez tous la vie, machin et tout. C'est, pour nous, c'est vraiment super important de les avoir tous autour de nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, parce que franchement, les Red DAF, sans eux, d'abord, il y aurait un manque. Il y aurait le groupe Red DAF. Ah oui, d'accord, mais bon. On irait faire des concerts, machin et tout. Mais, tout ce qui est asso, tout ce qu'on fait, le caisson, toutes ces choses-là, ça n'existerait pas. Parce que nous quatre ou nous cinq, on ne peut pas. On ne peut pas le faire, on n'a pas assez de bras. On n'est pas. Quand il y a les. Quand y a les y a tout le monde a des bonnes idées et tout ça. Il y a Rol Popo et des Manu Lorrain qui arrivent chez nous, heureusement qu'on les a. Sans eux, on ne peut pas. C'est des grosses gestions. On est tous amateurs dans le bazar, donc on a de l'expérience qui commence à venir au fur et à mesure, mais. On est tout le temps content d'avoir un pote à côté pour se dire, moi, attends, soulage-moi d'un truc, et le mec, il prend ta petite charge. Et puis, c'est vraiment un esprit d'équipe. Hein. Vous avez vraiment envie de le faire. Ouais. On va pas tous les citer parce que je veux pas faire de conneries, on oublie un. Donc, il y en a un, tu peux l'oublier. Oui. Je sais bien. De toute façon, je vais y péter la gueule. Mais non, tu vois, c'est vraiment, pour nous, c'est, franchement, la soirée de DAF, c'est tout, quoi, parce que sans eux, il n'y aurait rien. Et ils ont une très grande part de responsabilité dans la réussite de tout ce qu'on organise, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc, tu devrais parler dans le micro, par contre. Ouais. Annabelle, depuis le début de l'émission, elle parle à côté. Elle a peur. Elle est à 50 centimètres du micro. Donc, quand tu parles de loin, on t'entend pas. Non, mais, Annabelle, toi, tu dis, je pourrais les citer, mais oui, alors, je peux en citer quelques-uns, mais je vais en oublier, mais. Ouais. Alors, les gars, vous me dites si j'en oublie. Alors, on commence par les filles ou les gars? Les filles. Donc, Charline. Mmh. Qui s'occupe beaucoup de sites internet, tout ce qui est réservation pour le caisson. Ah, nous, là-dedans, franchement, on est des quiches. Hein. Mmh. On y connaît vraiment rien que dalle. Donc, Charline, il y a Cécile qui s'occupe beaucoup de. Les finances. Brie qui s'occupe de la gestion de l'organisation, dans l'aspect. Administratif. Mmh. Sophie, pareil. Karine. Isa, Nat, il y a nos femmes aussi là-dedans. Hein, Laure, Perrine. Perrine, c'est ma femme. Bisous, ma chérie. Je t'aime. Qui d'autre? T'as pas cité toutes les femmes. Sophie. Ça y est. Ah, ça y est. Bon. Et Sophie encore. Alors, mais enfin, je vais on va pas citer les garçons, ils vont se reconnaître. Non, mais les garçons, on les aime aussi, pareil. Donc, mais tu sais, tout ça, toi, je pense à Lilian. Lilian, il s'occupe ingénieur tout ce qui est lumière au caisson. Mmh. Et là, depuis 2 ans, il a fait un travail de dingue. Il fait des super lumières, je confirme, pour les photographes. C'est super, franchement. C'est un plaisir. Et même nous, au début, quand on a fait le caisson, on s'est dit, mais attends, on va foutre 4-5 lumières là-dedans et basta, quoi. Ah non, là, il y a vraiment un spectacle. Il y a vraiment un jeu scénique dans le truc, quoi. Donc, on a Lilian, on a Steph, on a GG, Philippe, Rico, Romu. Qui d'autre? On va forcément l'oublier. Alors, pour tous ceux qu'on oublie, on est vraiment désolé. Il existe une photo de vous tous? Je crois, avec Manu Lanvin. Ouais. Ah, peut-être bien. Ouais, d'accord. Ouais, me semble. Hein. Je ne sais pas s'il y avait tout le monde, mais. On devait être une bonne partie là, ouais. Mais tu vois, pour nous, c'est vraiment super important. Après, de là, c'est l'occasion de parler des dates. Alors, les dates au caisson, évidemment. Alors, on a le 7 mars. Le 7 mars, donc. Qui sera pour nous la date de l'année. Après, honnêtement, pour le caisson, alors, on a des dates qui sont arrêtées. On a lancé des demandes pour certains groupes, mais pour l'instant, on n'a pas trop de réponses. Alors, on a pas l'inquiétude, ça va pour venir tout de suite. Puis en plus, c'est nous, on n'est pas super assidus sur le truc, donc. Des fois, on gère un peu ça, comme ça, quoi. Mais bon, ça, il n'y a pas d'inquiétude. Je voudrais ajouter quand même une chose, c'est que pour les concerts au caisson, On est limité à 5 concerts par an. Ouais. Parce que d'accord. Sinon, on passe organisateur de oui, concerts. Oui, après, vous devenez professionnel de, voilà, là, de l'organisation. Et là, c'est tout un bazar parce qu'il faut remettre un statut spécial à la préfecture et tout bon, ça. Bon, après, c'est administratif. Et, c'est administratif, c'est un bazar. Et puis, en plus, on veut pas ça, nous. Nous, les musiciens, on veut faire du rock, on veut jouer, on veut pas devenir organisateur de concerts, c'est pas notre leitmotiv. Cinq bons événements valent mieux qu'un événement toutes les semaines où il y a personne. Tu vois, par exemple, l'année dernière, en 2019, là, on fait que 4 concerts chez nous. Voilà, c'est tout. Hein, mais bon. Mais on passe 2 fois Yarol Poupeau, quoi. Et franchement, pour nous, c'est une charge de travail assez monumentale. C'est des dépenses, forcément. Malgré tout, c'est un gros coup de projecteur sur notre salle. Mais c'est 4, c'est bien, quoi. Là, l'année dernière, 4. Il y avait des gros concerts, effectivement. Ouais. Aussi, hein. Et même quand c'était pas forcément une grosse tête d'affiche, ouais. Quand je pense, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Moïse avec les Western Line. Ouais, là. Même là, c'est quand même des concerts de qualité. Voilà. Le dernier avec Chili Dug et puis Blues Factory. On embrasse tous d'ailleurs. Sensationnel, on embrasse tout le monde. C'était extraordinaire. Et tout ça, c'est des potes qu'on a rencontrés dans notre concert, machin, tout ça. Donc avec un buff mémorable qui a duré combien de temps? Plus d'heure. Mais non, c'était génial. Comme les autres, là, c'est ça le rock, quoi. Je sais que ça, c'est une date que je voulais vraiment y aller. J'ai pas pu y aller. Je peux pas y aller à tous. Après, effectivement, les Blues Factory que je connais depuis très très longtemps, ouais, donc très bon aussi, et humainement, c'est vraiment des gens super. Et puis les Chili Dogs que j'ai connu depuis un peu moins longtemps parce que ça fait pas très. Mais par contre, on a accroché tout de suite. J'adore ce qu'ils font. Vraiment, c'est vraiment un pied aller voir les Chili Dogs en concert. Et en plus de ça, ces mecs-là, ils sont humains. Ils ont ce côté. Quand tu les reçois chez nous, ouais. Putain, y a pas d'embrouille, quoi. Non, ça. Il y a des fois, tu sais, des groupes où ça peut être. Tu sens que. Sans être des têtes d'affiche, hein, attention, même des groupes locaux et tout ça, tu sens que. C'est un peu tendu le truc, tu vois, les mecs. Des fois, ça va chipoter un peu sur certains trucs et tout ça. Et que tous ces mecs-là, là, qu'on vient de citer, et même qu'on n'a pas cité, il y a zéro prise de tête. C'est que de la régalade. C'est un petit peu comme vous, hein. Je vais pas vous passer du cirage. Mais vas-y, tu peux. J'y vais un petit peu, là. C'est vrai que, les Chili Dogs, les Red Daff, pour moi, c'est les mêmes gens, quoi. C'est la même famille. Les IFP, Blaisan, c'est tout. Autant je vous adore que je les adore eux parce que, c'est les mêmes personnes. Parce qu'il n'y a pas de prise de tête et il n'y a pas de prise de tête à avoir. Sinon, nous, on ne joue pas notre carrière là-dessus, on s'en fout, quoi. On n'en vit pas. On fera pas carrière avec ça, donc. Mais on exprime tous notre plaisir de faire ça. C'est les gens qui aiment la musique, qui aiment les gens. C'est de la rencontre, c'est du bon moment, voilà. c'est ça le plus important. Et après, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on peut croire que des fois les gens, parce qu'ils sont semi-professionnels, parce qu'ils sont professionnels, des fois après ils ont la grossette, tout ça. Oui. Et moi, j'ai vu des fois, c'est l'inverse. Les gens qui ont l'habitude de jouer dans n'importe quel endroit, ils se prennent pas la tête, ils arrivent, ils jouent. Et à côté de ça, des fois, il y en a. Ça dépend de la personne. Ça dépend des personnalités, même sur des gens connus. Hein, il y a des gens connus qui sont très abordables. Ah ouais. Là, en l'occurrence, nous, on a l'expérience de Yarol Poupeau maintenant. Yarol. C'est un pote, quoi. Je veux pas te dire que c'est mon pote, mais toi, il vient au caisson, il arrive, il claque la bise à tout le monde, machin et tout. T'imagines que à la fin du concert, il est peut-être bien 3h30 et faut le virer, quoi. Et il a pas envie de partir. Parce que nous, on veut aller se coucher. C'est un phénomène. Donc c'est plutôt. C'est plutôt génial. C'est positif, tout ça. On parlait justement de groupes. Il y a eu aussi Manu Lanvin. Il y a aussi un groupe professionnel que nous, on connaît très bien, c'est de la Jarry. La Jarry, qui sont deux fois chez nous. On a partagé des scènes avec eux Sur Orléans. Ils ont invité et tout ça. C'est là que je vous ai rencontrés. Moi, je les connaissais eux et je les ai retrouvés là-bas. C'est des belles expériences, tout ça. Et eux, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est des crèmes, c'est des gens que j'adore. Et malgré tout, tu sais, ça fait. Quand tu reçois des gens comme ça, ça fait tout le temps progresser tout ça. Du temps avancer la machine, quoi. Grâce à tout ce monde là on a réussi à avoir parce que il faut quand même le dire, là ils sont au Japon, là ils sont ils tournent tout le temps, c'est des professionnels, c'est des mecs, c'est des battants. Je pense qu'on a la chance aussi dans l'Orléanais, voire plus grand, dans la région. On a la chance quand même d'avoir des super groupes, super groupes amateurs, mais connus ou moins connus, qui sont formidables. Et franchement, on a de la chance. Alors je sais pas si c'est pareil dans toutes les régions. pense pas. Ah, pas toute la région, je pense mais, pas. Non, mais il y a une quantité de gens qui sont vraiment extraordinaires. Et j'en même moi qui suis souvent dans les concerts, j'en découvre tout le temps. Ouais, carrément. On n'est pas chauvin. Hein. S'il y a des gens qui veulent venir d'ailleurs, ils peuvent aussi venir. Je suis sûr que dans d'autres endroits, il y a des bons artistes aussi. Après, la difficulté, c'est. Bon, il y a du chemin, donc on a plus facilement. Il y a du chemin, et puis tu sais, je sais pas s'il y a. Alors, il y a beaucoup de bars et tout ça qui font tourner, mais des salles de concert, proprement dites, il y en a. Ou alors après c'est des grandes ou alors des moyennes, des salles moyennes, c'est ça qu'il faut. Il y a Château d'Eau à Blois aussi qui va pas mal. Là ils reçoivent Nina Attal, Nina Attal, bah j'y serai. Je sais plus quand. Trois semaines. Non, maintenant c'est juste après les Lady. Les Bell Breakers, c'est le samedi d'après. Mais franchement il y a plein de trucs. Après je te dis. Avec les gars, on avait dit, vous pensez à citer ça, Ouais, bah, désolé, les gars, j'ai pas tout marqué. Donc, forcément, j'en oublie plein. Ah, si, je pense à une salle, à Saint-Laurent. La Grange. La Grange, je vous en parlerai, mais la mission d'après. Ouais, d'accord. Super. Okay. Alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on a là sur les Grange. Ce sera un beau moment aussi. Un beau moment. Ouais. Donc voilà. Après, ça va revivre. Ça va revivre. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais bon. On garde le secret. Voilà. Donc après, nous, nos dates, bah écoute, on va partir en tournée mondiale et puis voilà quoi. En tournée mondiale, internationale, régionale. Londres, le Caire. Non, alors on va. Là, on a une date le 14 mars au. Tatoueur de Blois, au Wilson. Wilson Tattoo à Blois. C'est voilà, je pense que ça va être une super date avec des bécanes, des machins, des trucs, des bidules, plein des bikers. Ouais, c'est cool. Sont sympas les bikers. On va jouer aussi le 4 avril dans un bar associatif à Selom. Ah. Alors ça, c'est je pense que ça va être un truc assez. Le 4 avril. Le 4 avril. Pas, on pourra pas venir. Je pense que ça va être un truc assez génial parce que Antoine connaît une personne qui s'occupe du truc. Et tu sais, ils font revivre un bar qu'ils ouvrent une fois par mois ou une fois par semaine, je sais plus trop exactement, mais apparemment ils se dégagent vraiment un truc particulier du lieu, quoi. Donc ça, je pense que ça peut être une expérience, une belle date. Ça peut être vraiment sympa. Après, on jouera le 30 mai au Domino, c'est une guinguette à Suèvre. On avait fait la fermeture l'année dernière. On l'a déjà fait ça. On a fait la fermeture l'année dernière et. On a fait l'ouverture. D'accord. Et franchement, tu sais, c'est genre de date où tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je vais foutre là-bas, quoi. Ouais. On avait été bouffé là-bas, nous, peut-être un mois avant. Et il y avait deux mecs qui jouaient de la guitare. Enfin, des mecs qu'on avait déjà rencontrés un jour et on se dit, mais il y avait personne. Franchement, il y avait personne. On était 10, quoi. Oui. On se dit, merde, bon, bah voilà, ça va nous faire une sortie, une répète. Une répète en public, voilà et tout. Et on a passé une soirée, mais mémorable. Ah, super, ouais. Mm-hmm. Mémorable. Comme même quoi, eux ont passé une soirée mémorable parce qu'ils ont été débordés dans tous les sens, machin. Ça nous est jamais arrivé. On a eu 80 réservations, machin. Donc, ça, c'était vraiment super. Et ils nous avaient proposé de faire la réouverture pour bien. Bien faire la boucle. Donc on fait la réouverture le 30 mai, ça sera au Domino à Suèvre. Donc venez nombreux, je pense réserver si vous voulez bouffer là-bas. Sinon ça risque d'être peut-être un peu court. Il y aura de la musique. Voilà. C'est sûr. Et la musique, ça nourrit aussi. Hein. Ouais, c'est pas un peu de bière quand même. Ouais, un peu de bière. Pour faire coller la musique. C'est pour faire passer les doubles croches. Faire passer les doubles croches. Après, on a une date au mois de juin, le 19 juin, c'est Aubreuil. Alors, toi, Pomme, tu peux nous en parler parce que là, je suis pas au courant. Aubreuil, sans être trop long, s'il te plaît. Piste d'aviation de Blois, là, à côté de Blois. Et donc, ils font pendant deux ou trois jours, là. Ils font un rendez-vous mondial, tu sais, des ULM. Du paramoteur, là, des ULM, enfin, avec les objets volants, quoi. Voilà. Les objets volants, voilà. Dans l'identifié. Voilà. Ça, c'est pour pas des objets volants, machin, truc. Et donc, ça dure trois jours, et donc, il y a deux soirs où ils font des concerts. Et donc, il y aura le 18 juin, nos potes des Food Tank qui seront là-bas. Ah, bah bien, ouais. Et puis, le 19 juin, c'est les Red Daff qui seront là-bas. Wow. Voilà. Et donc, c'est un truc mondial, donc, ça tourne au point pas loin de 10 000 personnes sur les 3 jours, je crois. Attention, les trucs mondiaux, des fois, je me méfie un peu. Mais bon, alors après, ça circule et puis les gens s'en vont. Mais pour les concerts, c'est du garanti où il peut rester 500, 600, 700 personnes. C'est bon plan. C'est un bon plan. Ouais, c'est pas mal. Pour la première fois qu'on fait. Ouais, on verra bien. Voilà. Bon, en plus, on va éviter que Fab se jette dans la foule. Oui, voilà, oui. Comme Shine. On va se marrer. On va vraiment se marrer. Moi, je te préviens, Fab, je veux pas te chercher. Donc on a ça le 19 juin, on a une date le 21 juin pour la fête de la musique et on sera à Romorantin. Ah. Je peux pas vous dire où, je peux pas vous dire à quelle heure, j'en sais rien du tout. Ah, c'est grand Romorantin. C'est ça le problème. C'est loin, hein. Je sais pas du tout. On avait fait la fête de la musique l'année dernière à Chambord où là c'est pareil, moi j'étais un peu réticent sur le truc. Ça bien, ouais. Je me dis attends Chambord, c'est pas rock'n'roll. En fait, c'est super rock'n'roll, on a eu du monde plein, on a été arrêté par la flotte. Et puis le cadre est magnifique. Franchement, c'était génial. Donc cette année, Romorantin, on sera là-bas. Attends, on a pas un autre truc avril, 5 avril, non le 5 avril, si, on fait le truc Suzuki, là. Oui. La moto. Putain, 4 avril, 5 avril. Ouais. Ma femme, elle va pas vouloir que je rentre à la maison. Non, le 5 avril, pas le 4. Le 4, on fait rien. Bah, si, le 4 avril, on est à Slam. Le 24, t'as mis un jour. Ah ouais, le 24, pardon, je suis à l'agonie. Le 4 avril, c'est le matin. Et n'empêche que, heureusement que les vieux sont là. Encore, tout le monde se pointait là-bas le 4, il n'y avait personne. Heureusement que les vieux sont là. Carrément. Non, le 5 avril, on fait un concert dans un magasin de. De Bécane à Blois. Chez Suzuki. On avait fait une inauguration de chez Honda à Blois. Avec Westerling. Non, Westerline, c'était Shelby. Shelby. Qui est associé avec le magasin de moto qui est à côté. Ah ouais. Exactement. Donc je répète, le 4 avril, vous viendrez au Mafrika Live. Oui, mais en plus, ouais. Voilà, tout le monde au Mafrika Live. Voilà. Et nous, vous viendrez à Slam le 24 avril. Voilà. Donc on a ça et on a notre gros morceau de l'année, le 13 septembre, on organise comme d'habitude notre Broken'Roll. Broken'Roll. Ça sera la combien d'éditions? 5e, 6e, je ne sais plus trop. Bref, on s'en fout. Ah, ça aussi, je conseille de venir voir parce qu'il y a une super ambiance. Il y a des exposants qui sont super sympas. Ouais. On voit plein de choses originales, plein de belles choses. Il y a des bons groupes. Il y a des bons groupes. Alors cette année, on a fait un peu plus réduit en groupe. Ouais. Et parce qu'on a... Alors ça dévalorise pas ceux qui sont venus l'année dernière, hein, bien au contraire, mais on veut essayer de les faire jouer un petit peu plus longtemps. Ouais, c'est vrai que... C'est parce que des fois, c'est un peu court et c'est un peu la course. Donc du coup, cette année, il n'y aura que 3 groupes. On a déjà les 3 groupes que je peux vous donner. Ah oui, on est intéressé. Ah ouais. Oui. Et là, il n'y a pas de réservation à faire. L'entrée est gratuite. Venez boire de la bière. C'est super à venez faire, voir les belles photos. Venez voir les radios. On a les... J'espère que vous serez là. On aura le stand de Mavrika. Oui. Bah, ouais. À côté d'un petit photographe aussi. Déjà 2 ans. Voilà, à côté d'un petit photographe. Ouais. Toujours sans cheveux, là. Ouais. Mais alors là, pour l'instant, les exposants, Enfin, moi, je ne suis pas trop au courant du bazar, mais je pense que ça commence déjà un peu à bouger. Oui. Mais niveau groupe, on aura, en première partie, roulement de tambour. Ouais. Attends. Il avait pris le papier à l'envers. Il a ouais, c'est un duo, c'est Dr. Derrel et Mr. Big Dan. D'accord. Première fois que j'entends. Alors, faut aller voir YouTube, ils ont des trucs... C'est un peu original, mais c'est... Rock. Ouais. Très rock. Après, tu sais, pour la brocante, on n'est pas forcément dans un registre vraiment spécial rock comme le caisson, toi. Ouais. On est plus ouvert sur le truc. Faut quand même que ça bouge un peu, sinon on s'endort, c'est pas le truc. Ensuite, on aura Main Circle. Ouais, qu'on a reçu la semaine dernière. Avec François et moi, tout. Moi, j'adore ce qu'ils font. François, ils le sont deux fois, je crois. D'accord. Main Circle, ouais. Et là, franchement, c'est pas mal. C'est bien fait. Et puis, ça retourne un petit peu à une époque où bon, voilà, c'était... ressens bien... C'est vraiment... peut-être des années... Fin des années 60. 60, Moi, j'aime bien ce style-là, ouais. Donc, on aura... Donc, ils seront là à la broc. Et... En tête d'affiche, on aura Gaume. J'ai déjà vu chez vous. Oui. Qui est déjà venu chez nous il y a 4 ans. Parce qu'à à l'époque, tu sais, on organisait la Broken'Roll le samedi. Ouais. Et le soir, on faisait le concert au caisson. Mm-hmm. Bon, pour une question de logistique, on s'est dit on va tout faire la même journée. et au même endroit. D'accord. Enfin, dans la même journée. Mmh. On faisait déjà tout dans la même journée, mais dans l'après-midi, quoi, on va dire. Alors, sur la journée, de 9h30-10h jusqu'à 17-18h. Mais on fait tout au même endroit, et voilà. Donc, Gaume sera là le 13 septembre. D'accord. Alors, moi, je sais que j'ai gardé des très bons souvenirs. En plus, j'avais le CD aussi qu'il m'avait dédicacé. Donc, et il y avait une chanson que j'ai passée plusieurs fois. C'est un genre de balade que j'ai beaucoup aimé. C'est j'écris des mots pour toi en anglais. Il disait ça en anglais. Et j'adore cette chanson-là. Donc, ça sera avec beaucoup de plaisir. Ouais, en tout cas, c'est un artiste qui tourne encore pas mal. Qui, je pense, on n'entend pas assez parler. Et bon voilà, c'est l'occasion de le revoir déjà. Et puis c'était super carré, un super professionnel. Le mec a une voix vraiment très très bien. Très bons musiciens. Il a un musicien qui était venu chez nous aussi, Victor. Victor, je sais plus comment. Son guitariste. Il a un autre groupe à côté. Ils étaient venus chez nous peut-être bien l'année d'après. Et c'est pareil, tu vois, c'est pas tout à fait les mêmes genres, les deux. Oui, je vois. Victor est peut-être. Comment il s'appelait le groupe que j'avais vu aussi? The Hit. Très, très bien aussi, ouais. Super. Ouais. Mais les deux groupes, franchement, il y a vraiment une énergie, quoi. Tu sens que c'est. Effectivement, tu sens qu'ils sont jeunes. Ouais. T'as fait du bien. T'as fait du bien. Ouais. Et ils sont jeunes, mais en même temps, le son qui sort, c'est un son qui nous rappelle quand même. Une époque aussi, il y a le petit côté un peu british, moi je le sens un petit peu comme ça. C'est exactement ça. Le son un petit peu anglais, il y a d'autres influences, mais il y a ce côté-là aussi très, très propre, très, très clean, le son anglais, quoi. Voilà. Donc, pour les infos, chez nous, pour l'instant, on en est là. C'est déjà bien. Ça va certainement évoluer. Ça va bouger, ouais. On a fait une année 2019 qui a été une grosse année. On commence une année 2020 qui, je crois, va être une grosse année aussi. Et tout le monde est sur le pont à être prêt à faire feu pour tout ce bazar-là. Tout ça. Donc voilà. Ça va être excellent. Du rock'n'roll pur bonheur. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les gens qui n'ont pas eu le temps de tout saisir, de tout noter, peuvent retrouver les informations au fur et à mesure sur le site reddaf.fr déjà, et le Facebook aussi, reddaf. Tout est marqué dessus. Il y a aussi une page, le caisson. Je sais pas s'il y a une page de questions. Ouais, je crois qu'il y a une page de questions, non? Ah! Il me semble bien. Bon, on m'aurait menti? Ouais, peut-être, j'en sais rien. Elle est liée avec la page Red Daff, je crois. Ah oui, hein, elle est liée avec le. La page Red Daff. Ah oui, effectivement, elle est reconnue, mais elle est reliée avec le. Il y a un Facebook spécial caisson, effectivement. Et par contre, sur l'internet, c'est relié. Avec Red Daff. Avec Red Daff, voilà. D'accord, très bien. Le caisson, entreprise locale, c'est bien marqué. Et vous avez même les photos de. Je vois Dominique Valade, je vois des gens que je connais là. C'était le fameux bœuf qui avait duré des heures là. Ouais. Et c'est du bœuf bien français. Hein. Ah oui. Là, c'était vraiment un très très bon moment. Dans ces cas-là, tu te dis que la scène, elle est petite. C'était bien parce qu'on voyait que tous les musiciens étaient sur scène en train de jouer tous ensemble, les groupes mélangés. On voyait que les gars s'éclataient. Et puis le public, moi, j'étais en bas, je regardais. Je voyais les gens qui avaient une banane, qui bougeaient. Ils étaient déjà tapés deux groupes avant. Ouais. Et ils avaient encore envie. Et là, ils avaient encore envie. Ça durait. Il y a des moments comme ça, on a envie que ça dure tout le temps, quoi. Ouais, je retombe sur les photos. Des photos d'un petit photographe qui s'appelle Dom Rousseau. C'est lui. Je sais pas qui c'est. Donc, superbe de voir tous ces gens que je connais tous ensemble. Je trouve que c'est formidable, quoi. Elle est belle, notre salle, quand même. C'était sympa. Pour tous ceux qui sont jamais venus au caisson, franchement, venez faire un tour. Vous allez être vert. Ouais, c'est génial. Ils vont pas être déçus. Voilà, la bière est bonne, elle est fraîche. Il va falloir agrandir aussi. Hein. Ça se visite, on veut pas agrandir, après ça va perdre son âme et tout ça, tu vois. Donc, faut qu'on reste comme on est là. On est voilà. Je pense qu'on a trouvé la bonne formule du truc. Ça se visite en même temps que le château de Talcy. Avant le château de Talcy. Avec une séance à 4h, une séance à 20h. On va être obligé. On va être obligé. Tu sais, quand tu fais venir les groupes, ah, c'est ça, deux séances. Ah ouais, pour le même prix par contre. Ah bah non. C'est loin, mais ça se fait super bien. Non, mais ouais, ça se fait tout seul. D'Orléans, franchement, ça se fait tout seul. Après, l'autoroute, après, c'est à la sortie de l'autoroute. On peut, on peut organiser des covoiturages. Hein, voilà, vous mettez ça, c'est. Voilà. Bah, moi, ça va, quand je viens souvent. Oui, oui, on essaie de voir les gens d'Orléans et puis on essaie d'y aller, de parking, de faire un wagon. Ouais. Non. Puis après, vous pouvez rester couché dans le coin. Après, vous visitez Chambord, Talcy, les châteaux de la Loire. Il y a un hôtel à Talcy, je crois. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah bon. Il n'y en a plus. Il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel, ouais. Par contre, on a plein d'amis qui ont des chambres d'hôtes. Des chambres d'hôtes, voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà, un petit coup de téléphone et ça s'arrange. Vous venez au caisson, profitez-en pour prendre 8 jours de vacances. Ça serait bien de l'annoncer là-bas parce qu'il y a des gens qui savent pas. Ah mais voilà. Alors tout autour de du caisson alors bon moi ça va j'ai moins, une copine à côté donc quand ça va voilà. Je vais bouger chez elle mais non mais je veux te dire plus ou moins 4 km 5 km il y a largement de quoi dormir. On n'a pas d'hôtel dans. Mais Talcy, on a Concrié, c'est un petit village à côté, il y a des chambres d'hôtes. Talcy, il y a des chambres d'hôtes. Ah, c'est un lieu touristique hein de toute façon. Ouais carrément ouais. Morée c'est un hameau où il y a le caisson en fait. Alors c'est vraiment un tout petit hameau, t'as à peine freiné que t'as déjà traversé le village quoi. Mais là il doit y avoir deux ou trois chambres d'hôtes, deux ou trois endroits où il y a des chambres d'hôtes, toi. Donc non, il y a de quoi. Pour les gens qui ont peur de repartir le soir s'ils avaient éventuellement fait un peu trop d'abus, s'ils prennent un petit peu à l'avance, il vaut mieux pas qu'ils partent. D'ailleurs, ça fait un peu notre force aussi parce qu'on a Lilian qui est notre ingénieur de lumière, qui a des chambres et les ladies vont aller coucher chez lui. Ils ont 100 mètres à faire. D'accord. C'est quand même vachement bien. C'est le coquin. Voilà. Il en a de la chance. Il va en avoir 5, lui, dis donc. Il va avoir l'ingé son aussi. Hein. Attention. Donc voilà les infos du début d'année des RACDAF. C'est vrai que tout roule pas mal sur de des trucs roulettes. Et c'est super, vous avez préparé plein de choses comme ça. Ben, on est en attente justement que les dates approchent. Et donc, on peut retrouver au fur et à mesure des événements. Ouais. Donc, sur le site. Les informations sur le site. Facebook, Et la tout ce qui est réservation. La page Facebook, pas la face Facebook. Tout ce qui est réservation. Alors, faut savoir que, bon, là, pour les ladies, c'est complet. C'est trop tard. Ouais. Après, quand il y a des concerts, en général, c'est annoncé avant. Et ce qu'on faisait pas forcément avant sur le site, c'est que maintenant on annoncera la date d'ouverture des réservations. Que les gens soient pas obligés d'aller voir forcément tous les jours quand est-ce que c'est. Ah, parce que des fois c'est les concerts pas ouvert. Voilà. Les concerts sont annoncés en général deux mois à l'avance, deux, trois mois à l'avance. Quand on s'y prend, nous, de bonne heure, c'est pas la personne qui gère ça qui fait mal son travail, bien au contraire. C'est nous qui sommes un peu des fois. Olé olé. Olé, olé. Et on mettra maintenant un petit truc comme quoi ça va ouvrir à telle date. D'accord. Okay. Voilà, comme ça. On sera au courant de tout. Voilà. C'est un peu plus simple pour les gens. Mm-hmm. Voilà, donc on a dépassé un petit peu sur l'horaire, mais il était important de dire toute cette date. Donc on arrive à la fin de cette émission. C'était l'émission numéro 444. Alors c'est quand même. On fait des trucs. Trucs bizarres, oui, chez toi. C'est un truc. L'émission 300, l'émission 444. Ouais, donc voilà, c'est peut-être ça qui vous porte bonheur. Hein, voilà. Peut-être. Donc, on viendra pour la 1000. 444, c'est. Ah non, merde, ça fait trop loin. La 1000, oh, bah. Ça va vite. Et on est déjà presque à 500, donc et bientôt 10 ans d'émission de Mavrica, donc au mois de juin. 10 ans d'émission au mois de juin. Tu te rends compte, à l'émission 1000, t'aurais notre âge. Ouais, si on rajoute encore autant, ça fait. Non, on sera peut-être plus là. Mais... je vais avoir qui à ma gauche alors. Un papy. Oh merde. Oh. Dommage. Et un petit truc exceptionnel alors pour la. Bah, pour l'instant, on n'a rien prévu, mais bon, on va essayer de voir d'ici là. Hein. Ah, oui. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est le mois de juin. Souvent, il y a les vacances aussi qui sont derrière. Donc, Puis le mois de juin, il y a beaucoup de festivals. Ça commence à beaucoup chauffer. C'est vrai qu'on n'a rien prévu. Il y a la fête de la musique, il y a tout ça. La fête de la musique, il y a beaucoup de choses. Ça commence à beaucoup bouger. C'est un petit peu compliqué, mais bon, à la limite, on peut très bien le fêter un peu plus tard. Bien sûr. Pourquoi pas le Maverick Live numéro 13. Ah oui. Voilà, tu ferais ça. Un barbecue géant. Un vendredi soir, 13. Ouais, non, mais c'est un samedi. Tu invites 13 000 personnes. Là, c'est le 12, là, au mois d'avril. Là, c'est au mois de le 12. Donc, le 13, ça sera le 21 novembre. Voilà, c'est, la date est déjà prise. C'est vrai? Nos dates sont toujours réservées un an et demi avant. Va pas y avoir Halloween à ce moment-là? Bah justement, oui, il y a le 13, bah, Halloween. Tu fais le 13, donc, tu fais tes 10 truc, ans, ouais. Tu, toi, il y a moyen de se faire un gros délire là. Après, on sait que les Américains... Vas-y, moi je vais en bûcheron, immeubles, avec la tronçonneuse. dans les immeubles, il n'y a pas de numéro 13, hein, vous savez, ils passent du 12 au 14, les Américains sont très superstitieux. Ouais, et on se demandait si on allait le faire le 13, on dit qu'est-ce qu'on va faire le 13. Il dit non, nous on y va, et on va justement jouer sur le truc, et ça sera Halloween pas loin, donc le 13 vend. Ça sera un samedi 13 novembre. Non, ça sera pas, c'est le 21 novembre. Ah oui, ça oui, sera oui, le... Ça sera pas un vendredi non plus, c'est un samedi. D'accord. 21 novembre et ça sera donc la 13e édition du Maverick Alive. Voilà. On est pour les 10 ans d'ailleurs. Ouais. Alors, faut faire une spéciale 10 ans quand même. Ouais. Obligatoire. Ouais. Très bien. Bah on va étudier tout ça. Mais ça peut se faire dans la 10e année, donc tu as jusqu'à le juin. Bien sûr. C'est pour ça. Année, tu peux faire ça. Ouais, ça sera toujours les 10 ans. Tout à fait. Et puis là, nous, comme on a deux grands événements par an, donc voilà, on va le caser au même temps qu'un un grand événement. Voilà. Ça sera fait. Donc, on va dire au revoir à nos auditeurs qui nous ont accompagnés une demi-heure. Tout à fait. Parce qu'on est resté un petit peu plus longtemps. On avait des choses à dire, donc il était important quand même de le faire. Là, maintenant, ils sont tous couchés. On va prendre des photos parce qu'on a des photos à prendre. Hein. Tu veux le faire, toi, Dom, ou... Bon, on va s'arranger. On va s'arranger. Mais j'ai mon appareil si tu l'as pas apporté. Ouais, t'as l'habitude, toi, tu sais bien. Ouais, mais l'un ou l'autre, c'est pas grave. Même des fois, c'est complémentaire. On aime bien avoir des photos avec des regards différents de chaque personne. Et puis, donc, on va dire au revoir à nos auditeurs. On va dire les phrases magiques aussi. Parce que, à la fin de chaque émission, on disait les phrases magiques. Tu la connais la première, Annabelle? C'est quoi? Que le rock'n'roll soit avec vous. Le deuxième, c'est en anglais, c'est Everything's Gonna Be Alright. Je vais le dire Alright. Alright. Je vais faire le Yeah. Alright. Everything's Gonna Be Alright. Et la dernière phrase. Tu le dis pas en allemand? Déjà, les gens ils disent que je parle l'anglais avec un accent du sud de Munich. Donc voilà. Oh la vache. Donc je parle plutôt avec un accent allemand quand je parle anglais. Voilà, c'est pas volontaire, c'est comme ça. Hein. Et après, la dernière phrase, c'est aussi en français, c'est « Une vie sans musique serait une erreur ». Je pense que vous êtes d'accord. Oui. Finalement, la phrase en français est la meilleure, finalement. On aime bien, même en anglais. Ça serait triste. Ouais. On aime bien les messages d'espoir. Voilà, c'est Everything is gonna be alright. Un jour, tout ira bien. Voilà, on va. Ah, bah maintenant que tu m'as traduit, oui, finalement, oui, c'est bien aussi. Right. Tout va s'arranger. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est peut-être pas tout à fait le cas dans la réalité, mais nous, on veut y croire. Voilà. Si, faut y croire. Tant qu'on a un objectif, on arrive à l'atteindre si on veut. Voilà. Tout à fait. Et nous, on y arrivera. Voilà, cette émission est terminée. Et puis donc, les photos vont être prises maintenant. Et puis, elles seront postées dans le courant de la semaine qui arrive. Donc, souvent, c'est le mardi que je m'attelle à cette tâche. Et la semaine prochaine, nous allons donc recevoir ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe que nous n'avons jamais reçu. C'est le groupe Dizzy, que vous avez peut-être connaissez ou pas, qui avait postulé aussi pour le Maverick Alive. Malheureusement, il n'est pas arrivé dans les premiers. Mais peut-être. Prochaine fois. Ont joué au Parc Pasteur. Ils ont joué au Parc Pasteur. Moi, je ne les connais pas, mais j'ai déjà entendu parler d'eux. J'ai déjà vu quelques vidéos. Donc, voilà, je pense qu'on va passer un bon moment avec eux. Ça sera une découverte. Et on aime ça dans l'émission Maverick. Les gens viennent forcément une première fois et après, ils reviennent comme les Red Daff. Deux fois, trois fois. Ouais. Voilà. Et donc, on se donne rendez-vous à la prochaine. À la prochaine. Merci Albino. Merci aux éditeurs de nous avoir écoutés et merci à tout le monde. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Merci et puis à très bientôt. Restez avec nous, même endroit, même heure, la semaine prochaine à partir de 20h30 sur Radio Arc-en-Ciel. Bravo. Merci. Au revoir. cimetière surveillé, je regardais le train levé. Voulu à tout prix, sa vie son passé, errant sans papier, futur réfugié, se battre pour la liberté. Années. On les exhibe comme des trophées, monnaie d'échange d'erreurs assurées. Voler leur dignité, ces vies décimées. On leur a pris sans se soucier, sans même savoir ce qu'ils pensaient. Bien messieurs qu'ils adoraient. La liberté n'a pas de prix, c'est la chose, chose qu'on met à prix. Toujours se battre pour la garder. Passé, enfermé. seul.